Vous déambulez au sein du hôpital. Vous êtes accompagné par plusieurs hommes. Sur une civière devant vous se trouve le corps décomposé de Sarah Rache, l'ancienne dirigeante de l'escadron qui avait notamment attaqué une Minuteur. Le juge Pryle, elle, est avec vous aussi. Vous êtes obligé de vous arrêter vers l'entrée du grand bâtiment, puisque l'hôpital est interdit aux étrangers. On vous libère une salle et vous vous rendez à l'intérieur. Derrière vous, vous entendez des cris de gens dissipés. Un chaos ambiant a commencé à se créer. Vous entendez des gens qui... Comment dire? C'est presque comme si une rumeur était en train de circuler. Chacun fait sa propre théorie et les malades parlent d'une secte ou autre qui... Enfin, que des théories fumeuses. Mais une hospitalière de ce grade assassinée au sein même, en tout cas découverte morte au sein même de son clan, ça ne passe pas inaperçu. La porte qui menait vers l'extérieur se referme derrière vous et vous vous retrouvez dans cette salle composée de différents outils de soins et hygiéniques, pardon. On retire le drap qui recouvrait la civière et vous y apercevez le corps sans vie et sans tête de l'hospitalière. À ce moment-là, vous voyez un homme de haut rang. Toi, Toric, t'as déjà eu affaire à lui. C'est le docteur Fals, le chef de clinique. Ok. C'est lui notamment qui s'était occupé de ta mise en quarantaine. Bonjour. Bonjour, docteur Fals. Oh merde, est-ce qu'on sait ce qui se passe ici? Ben, on le découvre un petit peu en même temps que vous, parce que on a vu le corps de Sarah, mais on ne sait pas trop où il a été trouvé. Qu'est-ce qui fait que, enfin, comment ça s'est passé? D'ailleurs, si quelqu'un avait des informations là-dessus. Merde, putain. Disons que nous, la dernière fois qu'on l'a vu, elle avait subi de lourdes pertes pendant un combat contre les noms m'échappent. Les Mécaniste. clanistes, voilà, pardon. Du coup, il s'était un petit peu retranché pour soigner les blessés et essayer de faire une retraite stratégique. Et nous, on a dû partir plus avant parce qu'on avait une mission à remplir. Et voilà, et c'est tout ce qu'on sait là-dessus. Ça pourrait être un de leurs coups. Ah, En c'est effet, fort j'ai probable. entendu dire qu'un petit contingent avait transité vers le sud. dans le but de les récupérer. Il n'a pas abouti. Alors, soit elles ne se sont pas croisées, soit elle était déjà morte. Ouais, c'est probable. En tout cas, c'est pas de bon augure. Parce que si elle est retrouvée morte, c'est que en face, il doit y avoir du monde. Et malheureusement, c'est pas la seule. Ouais. C'est au moins la 10e cette semaine. Ah oui. Dans le nord, des hospitaliers disparaissent les uns après les autres. Toujours des actes isolés, par-ci, par-là. Avec comme point commun qu'on les retrouve décapités, la tête sur une pique. Et on sait si ça touche que l'hospitalier ou d'autres... Que l'hospitalier. Que l'hospitalier. Ouais. C'est plutôt gênant. Bon. Écoutez, on va aller... Je vous proposerai pas d'y aller. que... Mais... Oui, il faudrait quand même essayer de savoir ce qui s'y passe. Essayer d'envoyer les gens. Une piste, sans doute en effet un coup d'éclaniste pour nous déstabiliser. Mais ça ne marchera pas. Ça ne doit pas. Ça va. En effet. Du coup, je me retourne vers Abby. Du coup, Abby, crois-tu que, vu que ta famille, tes clans sont plutôt doués pour avoir des informations et être assez invisibles, tu puisses peut-être te renseigner si quelqu'un aurait des informations ou dans le but commun enfin dans l'intérêt commun de tous quelqu'un puisse aller jeter un œil par là-bas et voir ce qui s'y passe puisque à la limite seuls les hospitaliers sont touchés par tout cela. À ce moment-là, il y a le commissaire Pryl donc qui était avec vous qui s'approche de toi Toé qui te soutient un peu. En effet, ça serait pas plus mal. Deux choses. Premièrement, si c'est des clanistes, j'ai aucun client là-bas, donc ça risque d'être très compliqué de savoir des choses, hein, parce qu'on fonctionne pas mal quand même sur les clients, ce genre de choses. Après, je peux toujours voir nous en interne, mais bon, hein, les clanistes sont pas très heureux. Et après, si vous voulez envoyer des gens, au mieux d'envoyer des... Ami, je peux demander, hein, mais au mieux d'envoyer des objectifs, vous avez toujours des j'oublie le nom, pardon. Mokosh, tu es une. Anabaptiste. Oui. Une Anabaptiste, là, qui peut demander de l'aide et qui sont un peu plus équipés pour. En soit, la dernière fois qu'on a rencontré des clanistes, on a failli mourir et j'aimerais bien éviter d'envoyer le clan, enfin mon clan, à la mort. Ne vous inquiétez pas, on vous enverra pas à la mort. Ah non, mais je dis juste que là, on a des Anabaptistes, c'est déjà un peu plus solide en combat. Chef! Vous voyez un des hospitaliers qui s'était hâté à fouiller le corps, à essayer de repérer quelques traces. J'ai trouvé quelque chose. Et à un endroit au niveau de... Juste derrière ce qui était autrefois sa nuque. Lorsqu'il la retourne, vous voyez qu'un symbole a été tracé avec une lame. À même la peau. C'est pas moi. Ça représente une espèce d'oiseau. Ça ressemble soit à un oiseau, soit à des flammes. Ou un oiseau peut-être qui s'envolerait des flammes. Quelqu'un sait ce que ça pourrait vouloir dire? Alors à ce moment-là, il y a plusieurs personnes qui s'avancent, dont le commissaire. Et les gens n'en ont jamais vraiment entendu parler. Le commissaire émet l'hypothèse toutefois que ça pourrait être une métaphore des clanistes qui se libèrent de leur chaîne, entre guillemets, mais sans plus. Il faudrait que le dessin n'est pas extrêmement précis. Je vois. Bah, vu que c'est L'oiseau, il un ressemble pas du oiseau. tout à celui des apocalyptiques. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais demander. Est-ce que c'est quelque chose qui Non, ils semblerait. sont pas aux vôtres. Non. Bon, c'est bon. Mais ça pourrait être un symbole apocalyptique. L'oiseau est assez typique, même complètement typique de vos représentations. Du coup, Avi, tu pourrais te renseigner par rapport à ce symbole chez toi? Oui. Après, je vous promets rien. Hein. Parce qu'encore une fois, si ça vient pas d'interne, ça vient des clanistes, on n'a aucun contact avec eux. Donc, Oui, mais bon, ça a toujours Mais je peux. essayé d'avoir le plus de pistes possible. Bah, sinon, Mokosh, bah, mène question, hein, si tu as peut-être des anabaptistes qui seraient motivés. Alors, je me retourne vers le commissaire en disant lettre de change sonnante et trébuchante, si je puis dire, pour aller jeter un œil par là-bas. Si vous voulez, Malware pourra vous accompagner. Et là, vous avez le chroniqueur qui s'approche de vous. Je lui Tout fais à ce que entièrement j'apprécie. confiance. Alors, si jamais vous avez besoin de payer en mon nom, il le fera pour vous. Ouais, mais j'aime pas trop sa compagnie quand même, monsieur. Un peu chelou. Malware qui est là, qui dit pas un mot. Là, il est En effet, vraiment vous jaloux. ne vous sentez pas vraiment à l'aise quand il est là. Et Et son Malware. masque est encore plus effrayant que la normale chez les chroniqueurs. Et les chroniqueurs, ils sont pas censés savoir tout connaître? Ils connaîtraient pas cet insigne par hasard? Je vais essayer de me renseigner. Mais je ne vous promets rien. Écoutez, on s'arrête sur quoi alors? On te laisse Abby aller te renseigner pour l'instant chez toi, savoir si quelqu'un connaîtrait ce symbole. Et puis après, on essaiera d'organiser quelque chose pour en savoir un peu plus. C'est une question. Mokosh. Ouais. Bah, commissaire, des suggestions? Oui, faisons comme ça en attendant. Et puis, on peut se donner un point de rendez-vous demain midi. Il faut qu'on discute. Tous D'accord. ensemble. Ok. Est-ce que on peut pas juste profiter vite fait de jeter un œil, enfin au moins une fois au corps, pour voir si celui qui avait regardé n'aurait pas loupé quelque chose. Bien sûr, allez-y. Mais il faudra qu'on fasse ça au sein du hôpital. Là, c'est l'un des hospitaliers qui s'adresse à toi. D'accord, il n'y a pas de Donc, souci. sans enlever la présence de potentiels parasites. D'accord. Mais écoute, moi je m'occupe de ça. Je vais au hospital avec le corps de Sarah. Je vais essayer de voir si je peux pas retrouver des signes autres qui n'auraient pas été vus jusque-là. Et puis, bah, du coup, pendant ce temps-là, Abby, si tu peux aller te renseigner sur le symbole et Mokosh, voir si de ton côté, chez ton clan, tu puisses pas essayer de trouver des gens qui puissent nous aider. Ouais, ça marche. Ok. Très bien. En plus, vous avez des chevaux dorénavant. Bah, on en c'est a vrai. un. Non. On ne les a pas récupérés. Non, on en a deux. On en a deux. On en a deux. On en a deux. Le troisième est mort. Oui. Par un terrible accident. Oui. Terrible, terrible, terrible. Il est tombé sur une épée. Ouais. Ah. C'est arrivé à mon canasson également. Vous voyez le. Le docteur Fals, donc chef de clinique. Mais. Je n'avais que 19 ans. Ah. Oh. Tristesse. C'est terrible. Bon, moi j'y vais. Bah allons-y, allons-y, allons-y. Vous ressortez en sentant cette légère gêne ambiante. Chef de clinique de rang 5, représentant l'hôpital. Il pleure son poney. Venant de sourire à vous. Dans un excès de compassion. Ouais, c'était. Très très sympa, dis donc, l'hôpital. Ça me semble vraiment d'ailleurs réussir à vous retirer ces images de la tête du cheval décapité de. De Adalbert. Qui tentait de prendre la fuite. Ouais, en même temps, on pourrait voir qu'elle a fait un bon boulot quand même. Ah oui, elle l'a pas loupé. Je loupe jamais personne. Heureusement qu'elle regarde personne en disant ça, tu sais. Ouais, parce que là tu serais inquiet sinon. N'est-ce pas? Vous allez retrouver vos chevaux, vous voyez, oui. Sur le passage, il y a des malades qui vous accostent. Certains qui vous demandent de l'argent, vous pouvez leur donner si vous le souhaitez ou non. D'autres qui vous regardent avec un air mauvais, comme si vous enviez, vous qui possédez la santé et la jeunesse. Vous entendez également justement quelques chuchotements. Les gens se sentent plus en sécurité ici. Et puis, peut-être que certains ont vu des choses, d'autres non. Vous voyez même certains qui commencent à négocier des informations auprès d'hospitaliers, de jeunes famulanciers qui sont simplement là pour étudier. Alors évidemment, vous soupçonnez les trois quarts d'entre eux de raconter des bobards, et vous vous contentez de retrouver vos chevaux. De ton côté, Mokosh, où est-ce que tu te souhaites te rendre exactement? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tu as plusieurs destinations. Tu pourrais te rendre dans une ville anabaptiste, ou simplement dans le quartier anabaptiste qui se trouve également à Justicienne, ou même vers une alcôve de chroniqueurs pour passer, enfin pour envoyer un message. Je vais aller au quartier anabaptiste, je vais pas me déplacer trop loin non plus. Très bien. Abby et Mokosh, vous faites donc la route ensemble. Oui, donc on peut utiliser le même cheval. Si vous le souhaitez, dans ce cas-là, en effet, vous pouvez en laisser un pour Torik. Torik, dans ce cas-là, tu reçois un message durant l'opération, enfin l'opération, le... enfin, c'est l'examen post-mortem d'une recrue qui t'indique que tu as désormais un cheval gardé aux écuries du hôpital. Et qu'il ne faut pas que tu tardes à l'emmener avant que des malades ne le volent et le dévorent. Pardon. Bah, du coup, je le préviens et je remercie. Et, bah, je vais aller le chercher et le mettre à l'abri. Où ça? Le mettre où? À l'abri. À l'abri des gens qui pourraient le bouffer. J'ai compris à l'intérieur. Oui, enfin, à l'intérieur. Le mec rentrer avec son cheval. Non, mais bon, son cheval dans l'hôpital. L'hôpital, j'imagine que l'hôpital. Et comme ils sont pas autorisés, schlack, plus de chaud. Malheureusement, ils ne sont pas autorisés. Non, mais il doit y bien avoir une cour dans l'hôpital. Ah oui, non, oui, par contre, tu as des endroits pour les garder. On a bien des chevaux chez les hospitaliers, quand même. Oui. Aux écuries du hôpital. Je vais les mettre aux écuries du hôpital. Très bien. Tu vois, je vais le nettoyer. Tu vas payer quelques lettres de change pour pouvoir l'y laisser, mais ça sera seulement au moment où tu le reprendras. Bah, je fais ça et je demande à ce qu'il soit nettoyé avec la totale. Tu vois, le très truc, bien. Alors, tu me dirais combien ça coûte et je mets. Ouais, t'en auras sans doute pour maximum 20-30 lettres de change. Grand alors, 20 maximum. Ou 30. 25. Allez, 25. Ça marche. Je te laisse les recettes de ta fille. Ouais. Comme je t'aime pas, t'aimes pas 6000. Pendant ce temps-là, Bi et Mokosh, est-ce que vous discutez un petit peu pendant votre trajet de tout ce qui s'est passé ces derniers jours? Parce que mine de rien, il s'en est passé des choses. Ou alors, pour vous, tout est clair et... Oui, moi je lui demande pourquoi on fait ça. Parce que Tourik est hospitalier, je crois. C'est notre ami. D'accord. À part si j'ai un gros trou, mais il me semble que nous sommes pas directement impliqués. Enfin, genre, c'est juste que Tourik il prend ça à cœur. Pour l'instant, on sait que vous le faites, mais Mokosh a raison. En soi, oui, rien ne... Oui, d'accord, mais c'est ce que je pense depuis le début. Mais le truc, c'est que j'avais peur d'être un mauvais joueur qui avait oublié un gros truc important. Oui, bon, bah, du coup, oui. On vous donne un petit peu l'info puisque le commissaire Pry, elle, était dans les barrages et que vous bossez pour lui, mais... Bah oui, bah du coup, on le fait parce que Tourik est notre ami, que lui prend ça à cœur parce que c'est un hospitalier, mais on fait pour Tourik. C'est vrai aussi. Merci. Et vous pouvez également en déduire, je vais pas vous demander de faire de jeu pour ça, mais que, étant donné que vous avez déjà croisé plusieurs fois Sararache, les hospitaliers, surtout en tout cas le chef de clinique, pourraient en fait penser que vous ayez de l'attachement pour elle, et que ça vous fait à cœur de venger sa mort. Malheureusement, oui. Le docteur Fals n'est pas forcément dans le vrai. Après, ça dépend de la définition d'attachement, hein, j'ai envie de dire. Non, mais on lui doit bien ça, je veux dire, il a fait plein de trucs pour nous aussi. Ouais, Tourik. Oui, Tourik, pas les autres. Et voilà, oui, on fait ça pour Tourik. Tourik, c'est notre ami, et bien plus encore. Ouais. Bon, bah ça me va alors comme explication. Tant mieux, parce que j'en ai pas d'autres. La discussion de qualité. C'est... Je vois trop la situation inverse, ça me fait pourquoi je suis... Oh bah je sais pas, et puis dans ce moment on sait pas. On va ailleurs. On revoit plus jamais Tourik. Je vais te demander un jet de médecine. Avec une difficulté de 2. Alors, 20 médecine, c'est 6. Allez, c'est le moment de faire quelque chose de bien. Ah bah, si jamais tu fais une très bonne réussite, ce sera communiqué à tes supérieurs. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 réussites, 2 déclencheurs. 6 réussites dans 2 déclencheurs. C'est ça. C'est pas trop mal. Ouais. Alors, tu commences à faire quelques tests. Et puis, t'émets une ou deux hypothèses sur ce qui aurait pu exactement lui arriver. Alors, tu vois tes collègues qui sont un petit peu dubitatifs. Tu vois, tu sembles sûr de toi. Pour toi, vu l'apparence de certaines veines, elle aurait pu... comment dire on aurait pu lui injecter une espèce d'une substance, en tout cas une drogue, qui aurait pu potentiellement, par exemple, la paralyser et diminuer sa capacité à se défendre fortement. Mais bon, eux, ça leur paraît trop invraisemblable. Parce que se donner autant de mal pour tuer une seule personne, ça coûte quand même pas mal. Alors, tu commences à faire quelques prélèvements sanguins. Tu les mets dans des tubes à essai et... à l'aide d'autres substances chimiques que vous entreposez, tu fais quelques tests. Ta théorie est parfaitement valide. Elle a été droguée. Ensuite, tu commences à émettre des hypothèses sur le type d'arme qui aurait pu servir à lui couper la tête. Car mine de rien, trancher une tête, c'est pas aussi facile que dans les films. C'est sûr. Alors, la première hypothèse que tu émets, c'est que ça a été fait avec une arme tranchante. Jusque-là, tout le monde te suit. Bravo, Tourik. Je pense que ça a été fait avec des ongles. Putain. Et puis alors, tu te demandes, et ça fait presque frémir rien que d'y penser, Est-ce que ça aurait pu être une espèce de scie dentelée ou une espèce de gros cutter qui aurait permis comme ça de scier petit à petit tout le tour? Et en effet. Ouais, bien, bien barbare quoi. En effectuant quelques tests sur des corps récupérés ici et là, avec différents outils mythes à votre disposition, vous remarquez que la manière dont a été coupée la tête est clairement significative de ce type d'outil en tout cas. Vous effectuez par exemple un essai avec une hache, mais vous remarquez que ça explose presque plus le cou que ça ne le coupe. Dieu la violence en fait. Ouais. Oui, les traces de coupe montrent bien, révèlent bien que ça a été scié, quoi. Idem, vous faites quelques autres tests. Pourquoi pas un couteau ou des choses comme ça, mais malheureusement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le couteau est trop faible pour réussir une telle action. Il faut vraiment de la force. Mmh. Ensuite, tu commences à essayer d'effectuer un pari un peu risqué. Essayer de deviner la taille de l'agresseur. Parce que il lui a injecté un coup. Et vous. Enfin, un coup. Donc une drogue. Et vous observez également quelques hématomes. Elle s'est pris plusieurs coups avant qu'on ne lui scie la tête. Et tu arrives plutôt aisément à déterminer cela. Avec 2-3 calculs. Et un petit peu d'aide et d'extérieur. T'arrives à en déduire que le coupable devait mesurer 1m60. Mais être plutôt fort. 1m60 seulement, oui. Vous êtes donc face à une personne de petite taille. Si elle était seule, c'est également possible qu'elle ait été maintenue en arrière par une autre personne. Mmh. Puisque vous observez quelques traces au niveau de ses vêtements, mais vous ne savez pas si c'est dû à une chute ou spécialement à une agression par ailleurs. Ok. Vous arrivez également à déduire que la cause de la mort est simplement le cœur qui a été percé par un coup avec une lame très fine. Donc quelque chose de un seul coup quoi, genre crac et c'est terminé. Exactement. Vous avez mis quelques hypothèses, donc sans doute a-t-elle été attaquée, maintenue au sol, rouée de coups avant d'être droguée. Et pour qu'elle se calme, peut-être s'est-elle défendue d'ailleurs, peut-être a-t-elle blessé ou plusieurs agresseurs, mais elle s'est finalement laissée avoir, ils l'ont maintenue au sol et lui ont planté une lame dans le cœur. Une fois qu'elle était morte, il suffisait de... Enfin voilà. Ok. Toutes ces infos, tu les trouves en un temps relativement court. Tu te sens vraiment stimulé en présence de tous ces cadavres autour de vous. Ah bah moi, les cadavres, c'est mon truc, hein. Exactement. Là, je sens dans mon élément. Et tu vois quand même que t'arrives même presque à faire, tu vois, un petit peu ton show. D'ailleurs, je vais te demander un jet de charisme. Okay. Il drague un cadavre, tu sais. Salut, Serge. Alors, on va demander souvent ici sur votre tête. Oh, 3 succès, 2. Ah, bah quand faut draguer les cadavres, là, il y a du monde. Hein. Oui, alors d'ailleurs, je t'ai pas dit charisme quoi. Est-ce que tu as des compétences en charisme? Je sais pas combien de dés tu as jeté. J'en ai jeté 3 charismes. D'accord, donc t'avais pas de points supplémentaires. Parce que j'allais dire presque un jeu de charisme ou séduction. Ou expression. J'avais expression. Au pire, je peux t'en lancer un quatrième. Tu peux rejeter un petit dé, ouais. Tu peux rejeter des bonus pour expression. 4 réussites, 3 déclencheurs. Tu réunis tout le monde. Tu vois, tu prends le temps de mettre en place une petite salle. Tu mets plusieurs chaises ici et là pour faire une ronde. Tu demandes à différents hospitaliers, des recrues mais également des supérieurs de s'asseoir. Et un petit peu à la manière de Hercule Poirot, tu leur décris la scène et les événements qui se sont déroulés avec une précision exemplaire. Chirurgicale. Exactement. Les supérieurs sont impressionnés et les recrues émerveillés de la démonstration qui a lieu devant. Devant. Voilà. Je vais pas aller plus loin, donc globalement tu leur racontes un petit peu tout ça. On va dire que Toric fait un peu son show et la frime un peu avec tout ce qu'il a réussi à découvrir. Avec évidemment les cadavres de 2-3 glandus dont personne ne se souviendra derrière pour effectuer les tests et pouvoir comparer les différents types d'armes. Tu Après, penses sans c'est... doute... Oui. Oui. Mais non, vas-y, vas-y. Non, vas-y, vas-y. Non, je dis que c'est vrai que quelque part, je suis content aussi parce que ça fait quand même pas mal de temps que j'ai pas eu l'occasion de rester longtemps au hôpital et de pouvoir faire ce que je sais faire le mieux, c'est-à-dire faire des autopsies. Je suis galvanisé par tout ça en fait. Ah, c'est tout. Et donc je te laisse continuer. MJ. Non, il a la flemme. Il est médusé par par il est subjugué par mon. Excusez-moi, ça a coupé. Il a fait oh putain, il est relou. Je te disais que voilà, j'étais galvanisé par tout ça et que tu pouvais y aller. Ok, donc je sais pas à partir de quel moment ça a coupé, mais simplement j'avais répété que j'avais dit. Que t'as pas répondu en fait, donc tu peux y aller. Enfin, en fait, quand il a parlé, t'as pas du tout répondu, donc tu peux reprendre depuis. D'accord, très bien. Simplement, après cette démonstration plus qu'intéressante, je pense que tes supérieurs n'hésiteront pas à te recontacter dans les jours à venir pour te féliciter de cette prestation. Qui a su insuffler la passion pour la médecine auprès de certaines recrues, mais également rassurer tes supérieurs dans tes performances. Et j'en suis très honoré. Car tu étais très précis, mais également très pédagogique. Il faudrait lui rajouter un masque à gaz. Voilà. Pendant ce temps-là, Abby et Mokosh, vous arrivez au niveau de la ville. Vous êtes fouillé comme à votre habitude à l'entrée par quelques hospitaliers. Abby, toi, je vais te demander de me faire un jet de. D'agilité, furtivité. Il a vu mon tour en dextérité, il a fait non. Hop là. 3 réussites. Très bien. Et c'est tout. Tu vois qu'il n'arrive pas à aucun moment d'ailleurs à trouver la brûlure que tu as cachée sur toi. Ah. En tout cas, ton stock reste. Et tu vois également que ton apparence les met un peu en. Impose le respect. Oh. Je comprends que t'es pas n'importe qui, c'est vraiment. Avec recul que l'hospitalière tu vois tâtonne sur le niveau de tes poches. Comme si elle voulait pas vraiment découvrir quelque chose elle non plus. Il y a des gens qui vont être déçus. Oh tant mieux. Vous pénétrez donc au sein de la ville. Je comprends pas pourquoi du coup il y a ce respect, mais merci. Je me sens très touché. Eh bien. Simplement, t'en déduis assez rapidement que ton apparence hors norme, on va dire, impose un peu le. Tu vois, on comprend que t'es quelqu'un d'important et les hospitaliers n'ont pas vraiment envie de s'attirer des emmerdes. Je pensais plus. Okay. C'est à cause de ta tenue. Ta super armure. Oui, c'est vrai que j'ai la. Ah oui, ça. C'est vrai, j'ai la magnifique armure. Je l'avais quasiment oublié avec ce trou. Toi-même, t'aurais croisé un apocalyptique avec cette tenue. Du premier coup d'œil, t'aurais deviné que. C'était pas une personne emmerdée. De base. On est vers Justicienne, c'est ça? On est derrière. Ouais, parce qu'à l'entrée, de temps en temps, on vous fouille. Surtout quand vous n'êtes pas accompagné de Toric. Le roi Sips. Non mais ok, nickel. Non mais c'est vrai. Mais du coup je me la pète avec ma tenue, attends. Oh. Moi je l'aime, hein. J'ai galéré à l'avoir. T'en profites pour frimer un peu. De ton côté Mokosh, est-ce que tu possèdes des... des choses illégales sur toi? Alors je vérifie, mais non. Mis à part si on considère un piège, c'est comme... Eh bien tout se passe bien alors. Pareil pour vous, vous déposez vos chevaux à l'écurie. Il y en a une à l'entrée de la ville. Ok. Attends, on a changé de ville? Le spécial se trouve à l'extérieur de Justicienne, donc il y a un petit peu de marche. Mais c'est pas énorme, hein. Vous êtes vraiment dans une zone presque complètement urbanisée. Quoi. J'avais oublié ce détail-là. Il n'y a pas de souci. Je pensais que c'était dedans. Ok, Doc. Alors, où souhaitez-vous vous rendre en premier? À moins que vous ne souhaitiez vous séparer. Il y en était question également. Je pense que c'est Abby qui décide, écoute. Hein. Je sais pas. Bon, on peut le faire ensemble en soi, donc. Oui, bah allons-y alors du coup. Donc ça sera... D'abord, ce sera chez Avi. Les maîtres ont parlé. Alors j'imagine... Alors sur quel lieu souhaitez-vous enquêter? À quel endroit souhaitez-vous vous rendre pour obtenir des informations? Mais je vais au... l'épave. Très bien. Parce que c'est apocalyptique là-bas. Mmh, en effet. Et qu'en plus de ça, il y a Manué qui font les parasites là-bas. Donc, je sais que là-bas. Je suis très content de me revoir. Ah putain, oui, c'est vrai. Oh non, et vous faites pas chier. Hein. La nuit commence doucement à s'installer au moment où vous vous approchez de l'épave. Vous approchez enfin de l'épave. Vous voyez les premières pies sortir de leur nid. Et puis voler autour des éperviers. Et autres ferrailleurs venus ici passer un peu de bon temps. Mais cette fois-ci, l'ambiance est un peu moins à la fête. Enfin, de ton côté, Abby, tu sais que tu te rends ici pour obtenir des informations et que c'est pas une tâche si tranquille que ça. En posant les mauvaises questions aux mauvaises personnes, ça arrive que des gens disparaissent. Oui. Alors il faut savoir se montrer habile. Et si je suis pas habile, de toute façon, j'ai une arme très efficace qui s'appelle Mokosh. Exactement. Alors, quel type de personne souhaites-tu aborder? Est-ce que tu comptes en parler à haute voix au niveau du bar pour essayer d'attirer une personne qui aurait quelques informations à donner ou simplement voir rencontrer une personne de ta nuée? Ou alors te rendre dans une salle, dans une arrière-salle et discuter avec les personnes qui savent ce genre de choses? Je réfléchis. Il n'y a pas de souci. Bon. Oui, bah c'est ce que je fais. Non, c'est sérieux, c'est genre de truc où tu... Je sais pas, C'est vrai que c'est une bonne question. Il y a d'ailleurs peut-être d'autres possibilités, hein. J'en ai énuméré trois pour te simplifier la tâche, mais... Ce n'est pas exhaustif. Bah, à la limite, il y a une personne qui a peut-être pas beaucoup de... Enfin voilà, qui a peut-être pas genre son la plus de connaissances possible, mais le truc c'est que Axel, au moins, je sais qu'elle me fera pas disparaître. Okay. Et par ses connaissances, peut-être qu'elle peut mener vers une autre connaissance, tu vois. Et très bien. Toi l'idée. Alors, tu te mets en quête de ta corneille et tu la trouves sans trop de problèmes. Elle est là comme d'habitude, à discuter avec un homme, et puis ils finissent leur conversation en s'échangeant deux paquets. L'un d'entre eux doit sans doute contenir des lettres de change, et qui sait ce que peut contenir l'autre. Abby ? Oui ? Comment vas-tu ? Ça va, ça va. Et toi ? Eh bien, ça va, je suis rassuré de te voir ici, tu vois. À chaque fois que tu dois quitter la ville, je m'inquiète pour ta sécurité. J'ai ce qu'il faut en sécurité, t'inquiète pas. Mais c'est gentil. Merde, j'ai foutu en bas. Tu vois, Mokosh, qu'elle te défie très légèrement du regard. Je continue à regarder quand même. Je la défie elle aussi si elle veut. Mais non. Enfin bon, oui. Vous devez avoir la gorge sèche après une journée en dehors des de nos murs. Il est vrai. Moi bien très bien. Commandez ce que vous voulez, c'est moi qui paye. Il y a des gens vachement sympas dans ce monde. Bah du coup, c'est vrai. Mais. Serpent. Recule. Non, mais ouais, bah du coup, ce que je vais faire, c'est genre. Simplement. De prendre une boisson et genre. Discuter un peu, tu vois, genre quelques minutes. Avant de lancer le sujet pour voilà, bien installer une petite ambiance. Oui, amicale. Voilà. Pendant qu'elle discute, de temps en temps, derrière, je fais. Ah, mais. Très bien. Alors voilà, vous parlez de tout et de rien. C'est ça. Tu apprends que Jimmy Trois Doigts n'en a désormais plus que deux. Et qui va devoir changer le nom écrit sur sa chandelière. Moi, je suis un peu triste de cette histoire quand même, parce que je me dis que quand il lui reste plus qu'un doigt, il devra aussi supprimer le S sur sa chandelière. Je pense. Exactement. Et également que la petite. La petite Alice a perdu sa mère. Alors c'est jour de fête. Et elle a payé sa tournée à tout le monde. C'est bien. Il était temps qu'on s'en débarrasse. Ouais, elle était vieille hein, de souvenirs. Elle avait quoi ? 50aine, je crois ? Je sais plus. Oui, je crois qu'elle venait de fêter ses 52. Ouais. C'est pourri à cet âge-là, y a rien à sauver. Bon, tu voulais me voir pour une raison particulière ou... Ouais. J'ai des infos à demander, enfin genre plutôt savoir si tu as possibilité d'avoir des informations, genre pour raison que ce soit. Par rapport, je sais pas si tu es au courant, mais en ce moment il y a des petites affaires de meurtre du côté des hospitaliers où ils se font tuer ici et là. On soupçonne, ils soupçonnent les clanistes, mais ils ont aucune preuve. Hein. Et du coup, bah, comme je suis ami avec un hospitalier, bah, il nous utilise comme chien-chien pour voir si on n'a pas une pique par là. Ou si jamais t'as entendu quoi que ce soit sur cette affaire. Tu vois à son regard qu'elle sait quelque chose. Mais... Elle Mais je savais bien que c'était Manuel. Ce logo. Quoi? J'imagine tellement genre Abby qui fait hey, « Eh mais ce logo c'est Manué !» Mais tu vois qu'elle semble un peu aussi pas très envieuse à l'idée de t'en parler. Je sors une des doses habilement rangées dans mes vêtements. Tu vois qu'elle s'en sert, elle sort une aiguille de sa poche et puis elle perce le bourgeon. Et elle dit nage. Écoute Abby, ça me dérange pas de t'en parler, tu sais, je peux te faire confiance et puis... Bien sûr. On est entre nous. Ouais. Oui, oui, oui. Décolle-toi. Mais bon, ça me dérange un peu que tu fricotes avec l'hospitalier, tu vois. Mais ça me dérange aussi, sache que c'est juste que... Il y en a un qui m'a sauvé la vie, du coup, bah, l'amitié s'est formée, mais j'ai rien mais avec... Mais t'as sauvé la vie il y a combien de temps, c'est bon. T'es pas obligé d'être son petit chien à vie uniquement parce qu'il t'a sauvé une fois la vie il y a longtemps. Oui, bon... Mais écoute, en fait, il y a eu des problèmes à cause de ça, on est resté en groupe, et depuis, comme on voyage toujours ensemble, voilà, tu vois, il y a... Ah ouais, tu fais dans la charité, maintenant. Non, je suis pas dans la charité, commence pas. Non, mais je vois, t'acceptes de balader avec des esprits... Enfin... Oui, non, mais plus, de toute façon, il est complètement chiant, ce type, enfin, genre... Mais là n'est pas la question. De toute façon, je fréquente pas avec, c'est juste s'il me pose une question, moi je me renseigne pour faire plaisir à un ami, et moi j'ai rien à faire de plus là-bas. Cet ami, tu vois, a été amical, enfin, dans le sens fidèle, dévoué. Parce que ça me dérange pas de vous aider, mais ça pourrait être pratique de faire jouer tes relations avec ce hospitalier et... Ouais, mais le problème, c'est que, justement, comme il m'a sauvé la vie, il s'est mis plutôt en difficulté. Après, effectivement, on peut lui demander service, mais il est un peu mal vu par son supérieur à cause de moi. Ouais. C'est vieille affaire. Parce que tu vois, il y a des trucs qu'on pourrait aimer faire sortir du hospital. Moi, et pour c'est... ça, il lui faudrait une taupe à l'intérieur. Ouais, c'est une idée qui me plaît, le problème c'est que tu sais, les hospitaliers, ils ont une vision mais genre carrée du monde. Ils aiment pas les coups de folie. Après, moi je peux le proposer. Sans J'imagine bien sûr que t'as de quoi le faire chanter au cas où. Enfin, voilà, on sait très bien que tu fais toujours ça avec tout le monde. Au cas où. Au cas où. Mais... Parce que dans ce cas-là, on peut servir un peu de lui et puis le faire disparaître s'il pose trop de problèmes. Alors, je dis bien, on n'est pas obligé de le tuer, on peut simplement l'accuser de pédophilie et lui ruiner sa carrière et puis... T'as dit quoi ? C'est toujours un ami, hein, pour le moment. Ok, donc tu fais passer un hospitalier avant ta nuée. Je crois que t'as oublié ce que j'ai fait pour t'annuler il y a pas longtemps, quand même. C'est vrai. Ça valait pas trop. C'est vrai. Fais-moi un jet de négociation. Ah mais où ? T'as oublié t'annuler, attends, je viens de te rattacher à une autre, tu peux totalement les exploiter. Non, ouais, c'est pas pour qui. Des tasses. Deux. 3 réussites. J'ai toujours pas de déclencheur. Ce soir, je ne fais pas de déclencheur. Vim, non. Ouais, mais malheureusement pour moi, ça passe. J'ai fait moins. Puisque c'était en opposition avec sa volonté. Ça fait 11. Ou j'ai mal entendu? Non, j'ai fait moins. Ah. J'ai entendu, j'ai fait 11. J'étais en mode 11, mais elle avait combien de dés? J'ai lancé 12 dés et j'ai fait 11 réussis. Bon, ok, tu marques un point. J'espère bien. Qu'est-ce que tu sais sur ces meurtres? Rien, parce que moi, je vais t'avouer, moi, l'hôpital ne m'intéresse pas. Hein. Là-bas, ils sont pas très. Ils sont pas très fun. Hein. Mais du coup, tout ce que je sais, c'est, en fait, c'est parce qu'en fait, on. À cause du hospitalier allié, on est tombé sur une hospitalière et on l'a retrouvée morte. Et du coup, bah, les hospitaliers sont en mode ah, bah, vous la connaissez un peu, en bon. Mais sinon, non, moi, je sais rien de particulier à part qu'il y a eu quelques meurtres ici et là, à gauche, à droite. Ok. Suivez-moi, on va discuter dans une salle un peu plus reculée. On n'est jamais trop prudent. Ouais, ils sont infusés un pompe. Pardon. J'imagine que vous la suivez jusqu'à l'arrière-salle. Bien sûr. Ouais. Elle l'ouvre à l'aide, à l'aide d'une clé qu'elle avait dans sa poche. Une fois que vous êtes à l'intérieur, vous découvrez une salle tout ce qu'il y a de plus cosy, une espèce de salon avec une table, des chaises et quelques meubles. Sur la table ronde, en bois ronde qui se trouve au milieu, vous avez un bol qui contient des bourgeons de brûlure. Alors, avant de vous reparler, elle en reprend un. Et elle l'inhale à nouveau. Elle attend quelques secondes et puis elle commence à vous parler. Alors, j'ai entendu parler de ce qui s'était passé au hospital tout à l'heure. Enfin, ce matin. Mmh. Ça fait du bruit parce que c'est la première fois qu'une hospitalière de haut rang se fait agresser de la sorte. Ceux qui ont disparu dernièrement, c'était des petits. Des recrues, des famulanciers comme votre ami. Enfin bref, des gens qui comptent pas vraiment. Maintenant, ce que je sais, c'est que c'est pas un coup des clanistes. Mm-hmm. On parle. Enfin. La rumeur se propage. Comme quoi. Ce serait des apocalyptiques. Comme nous. D'où l'oiseau en logo, ouais. La nuit du Phénix. Et ils viennent d'où, on a des infos? Ils se seraient formés au nord ces derniers mois. Et ils nourriraient une haine envers l'hospitalier. Une haine impossible à satisfaire. Une soif de vengeance qui, dit-on, les pousserait à tenter de profiter de la faiblesse du protectorat à cause de la guerre pour les attaquer sur un nouveau front. Mmh. Je vois. À ce moment-là, elle reprend un bourgeon. J'en prends un. T'en prends aussi. Aussitôt, après l'avoir inhalé, tu sens pareil ta vision qui change. Tout a l'air beaucoup plus clair tout de suite. T'entends la moindre mouche voler dans la pièce. Écoutez, cette nuée, j'en ai entendu parler, et elle n'est pas comme les autres. On a envoyé des gens là-bas, et ils sont jamais revenus. Oh, Non, c'est très sérieux. Oui. Elle est pas comme les autres, genre... Qui recrute pas comme nous des gens des rues, c'est... On dit qu'elle est composée de déserteurs et... de membres venus d'autres cultes. C'est une espèce de... nuée apocalyptique, mais... dans laquelle fusionneraient tous les autres clans, en tout cas, tous les autres déchets de clans, qui n'auraient nulle part où aller. Et si c'est vrai, ça pose un problème. Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce que feront les hospitaliers s'ils auront cette info. Je pense pas qu'on puisse leur faire confiance, alors... Faudrait peut-être que... Moi aussi, là, je... Ça peut poser problème. Et elle reprend un bourgeon. J'en prends encore un. Après, est-ce qu'ils ont vraiment tort d'en vouloir hospitalier ? Moi, je veux pas dire... Je veux pas dire, mais... Elle vous sert des verres. Bah, j'ai envie de dire, je suis d'accord, enfin je suis la première à pas être très à l'aise avec ce genre de personne, mais... C'est vrai. Posez des questions, quoi. C'est vrai. Mais bon, s'ils sont capables de se faire assassiner une personne... et de déposer sa carcasse au sein même du hôpital... c'est qu'ils ont parmi eux des membres très influents et très puissants. Oui. Et s'ils commencent à rentrer dans le business, vous voyez quoi. J'aimerais pas qu'ils viennent nous couper nos routes de ravitaillement ou qu'une espèce de guéguerre de territoire s'installe. Ouais. Après, j'aimerais pas être lié à cette histoire. Quoi. Moi, j'ai. J'ai pas envie d'avoir grand chose à voir avec eux. Je crois que c'est trop tard. Parce qu'on raconte une dernière chose à propos d'eux. Elle reprend un bourgeon. Est-ce que Moka, je te suis ? Ouais, j'en prends encore. Ah, je vais faire sonner l'entrée du hôpital. Ça va faire ding ding ding ding. Non, mais t'inquiète pas. Je te maintiendrai à distance. On raconte que cette nuée serait née il y a quelques mois des cendres. De Menuteur. Putain, je le savais. Ce qui expliquerait pourquoi ils s'en sont prises à Sarah Rash. J'avais dit qu'il fallait pas le brûler. Effectivement, mon coche, t'as souvent raison. Mais j'ai du mal à imaginer comment quelqu'un aurait pu survivre à ça. La petite fille était déjà de base anormale. Hein. Elle a peut-être une résistance particulière. Peut-être. C'est vrai qu'on ignore pas mal de choses sur ces créatures. Et c'est la première fois qu'on en apercevait une dans la région. En tout cas, qu'on en a connaissance. Et comprenez que si c'est ça et que ils sont au courant d'une manière ou d'une autre que notre nuée a été impliquée dans ce qui s'est passé, indirectement bien sûr, mais quand même, Elle est pas impliquée, enfin genre. C'est théorique, enfin genre, il avait besoin de bien se faire voir et. Du coup, t'as donné ton accord. J'ai juste pris la solution la plus simple sur le moment. Non. Faudrait peut-être vous songer à vous débarrasser de lui. Vous pensez pas? Je pense que ça vous pose trop de problèmes d'avoir quelqu'un d'aussi droit avec vous. Ça se trouve même il vous utilise. Tout ça pour sa carrière. Ça serait bien digne d'hospitalier ça. Je sais pas. Ils connaissent pas l'honneur. Non, moi je dis que tu racontes des conneries. Parce que Toric il est sympa et secondement s'il faut se débarrasser de lui, ça veut dire qu'il faut aussi que je me débarrasse de ma vie. Et de toi. Et toute la nuit. Parce que vous êtes tous liés à ça du coup. Sérieux mon coche là. J'ai envie de dire, c'est pas nos nuées qui brûlent les villages. Si tu veux on peut régler ça maintenant. Tu le vois qui entr'ouvre son manteau et laisse apercevoir une lame dissimulée. Au niveau de ton ceinturon. Ne m'attends pas trop, on va continuer à discuter avec ta copine. Je t'ai bugué ou c'est le silence? C'est le silence, c'est le malaise. D'accord. Faites ce que vous voulez de ce que je viens de vous dire, mais... J'aimerais éviter que les spitaliers ramènent leur cul et foutent le bordel. Sauf si vous les utilisez pour cramer notre ennemi. Définitivement. Et alors, on dit plus rien? C'est à qui a dit ça? À vous deux. Ouais. Et puis elle reprend bonjour. Moi, j'ai rien spécial à dire, après tout, c'est Abby qui fait la discussion. D'ailleurs, toi, Mokosh, tu sens vraiment tes sens qui sont démultipliés. T'es capable de sentir l'odeur de la bouffe qu'on sert à l'autre bout de l'épave. T'entends aussi les grattements et les bruits de pas, comme s'ils résonnaient en toi. Tu sens comme ça tous tes sens démultipliés. Mais pourtant, tu restes assez consciente, pardon. Et il faut avouer que c'est plutôt agréable aussi, t'as une espèce de chaleur dans la poitrine, constante. Et cette impression que rien ne peut t'arriver sans que tu le vois. Sans que tu le vois à des kilomètres. Bon, j'en prendrai un autre alors. Et t'en prends un. Toby, depuis tout à l'heure, tu suis... Mokosh et Axel qui empoignent les unes après l'une après l'autre les bourgeons qui étaient placés au centre de la table. Vous avez rien à dire, on en a fini? Parce que j'ai des affaires à régler ici. Ouais. Si on est bon. On est bon, ouais. Bon, bah à la prochaine du coup. Et prends soin de toi. Tu vois, elle te jette un dernier regard habillé. Ouais. Et elle s'en sert un verre. Bon, du coup, moi je me lève et je m'en vais avec, c'est fini. C'est ça, vous vous sortez. Et vous vous retrouvez juste devant la porte. Bon, bah c'était sympa. Ouais. Mais il passe. Je me sens dubitative. Et c'est pas un mot que j'utilise tous les jours. Je crois que je vais aller me reposer. Bon, d'accord. Je pense que j'en ai besoin. Je te laisse faire ce que t'as à faire de ton côté. Non, ok, ça marche. De toute façon, je me sens en pleine forme en ce moment, ça va bien se passer. Bon, bah du coup, j'y vais. Tu commences à sortir. Au moment quand tu te déplaces sur l'épave, tu as l'impression d'entendre en même temps toutes les discussions qui sont en train de se dérouler sur le pont. Tu sais pas du tout combien t'as pris de bourgeons, ni quelle était leur puissance. C'est vrai qu'il y avait peut-être une raison pour laquelle ils étaient mis à part des autres. Mais tout est très clair. Même si les discussions se déroulent en même temps, t'arrives très clairement à les distinguer les unes des autres. Alors tu vois, pour la plupart, ça vole pas très haut. Mais dans tout cas, avant de sortir de l'épave, t'arrives à noter quand même 2-3 pistes qui pourraient être intéressantes. Par exemple, il y a deux gars qui parlent d'un magot qu'ils ont caché à la sortie de justicienne, un peu après le moulin, ce qu'ils appellent. Alors, je sais pas si tu souhaites le garder au coin de ta tête ou si la situation... Oui, je vais me le noter quelque part. Ok. Donc tu le notes quelque part. Ouais. Et puis, tu pars en direction du quartier Anabaptiste, c'est bien ça? Oui. Très bien. T'arrives sans trop de problèmes à trouver l'endroit. Tu t'es déjà rendu une ou deux fois. Ok. Alors, t'arrives devant un bâtiment qui pourrait servir, on va dire, un petit peu d'ambassade. En tout cas, c'est ici que tu viens souvent régler quelques affaires importantes, simplement signaler ta présence. Ou okay. Pour. Bon, du coup, je rentre. Tu rentres. Tu vois, vu l'heure qui doit être, là, il est. Sans... Je connais des gars ici ou. Oui, un petit peu, mais presque seulement de vue. T'as jamais vraiment travaillé avec, mais c'est vrai que. Souvent, comme dans la plupart des clans, il est demandé que ce soit hospitalier ou. Alors, c'est silence ou je bug? Ah non. Tu bug. Hein. Je bug. Tu dois bugger, ouais. Ça vient de toi. Je suis là. Du coup, je disais. Tu dois. Enfin, tu. Tu t'es déjà rendu ici, donc en effet, tu connais un petit peu les gens, mais t'as jamais vraiment bossé avec eux, tu vois. Simplement, voilà, à force de devoir te signaler ta présence de temps en temps, ce qui est réglementaire, tu t'es retrouvé à discuter quelquefois avec eux. Mais là, il n'y a pas beaucoup de monde, la plupart doivent être en train de dormir. Alors, tu peux me répéter ça parce qu'on vient de me déranger à côté, j'ai pas entendu. Pas de soucis, la salle est quasiment vide puisqu'il est tard, donc. On t'invite. Enfin, il n'y a que quelques personnes debout. Ah, il n'y a quasiment personne. Super. Moi, je suis là pour lever une armée et il n'y a personne. Bon, du coup, je vais essayer de. Je précise également que tu sais qu'elle est. Que j'ai. Je bug. Ouais, non, mais là, tout. Oui, stop, tu bugs. Arrête. En effet, j'entends un peu bugger aussi. Du coup, je précisais également, tu sais qu'à l'étage, par contre, il y a une espèce de. Non, mais il est plus là. Déco. Il n'aura pas cette information. Et c'est moi qui l'ai, en alors plus, que je suis parti. Car à l'étage se trouvait également son pire ennemi. Il y a actuellement un flingue pointé sur toi. Et un lance-missile. Je profite de cette interlude. C'était l'unique moyen de tuer le boss. Je profite de cette interlude pour dire pendant l'autopsie, tu sais, tu m'avais parlé de que c'était fait qu'elle avait reçu un peu un truc pour l'endormir, enfin pour la calmer. Oui, et qu'elle avait été droguée. Qu'elle a été droguée et poignardée, si je peux dire, mais d'une lame assez fine. Et en fait, pendant le truc, j'avais envie de te poser la question, est-ce que... Vas-y. Alors, c'était même avant que j'entende que ce soit pas... voilà, mais bon, ça c'est hors jeu, quoi. Mais, est-ce que c'était un boulot de claniste? Parce que alors, oui, en effet, je ne l'ai pas précisé. Non, mais tu fais même poser la question. C'est vrai que non, ça fait justement presque très professionnel, on va dire. Ouais, voilà. Alors que les clanistes, c'est des gros barbares, quoi. Cliché, voilà, du côté un peu barbare, étant donné qu'ils. En tout cas, ceux-là, j'entends, parce que les clanistes, au final, c'est quasiment 99% de la population. Mais ce qu'on appelle là les clanistes, c'est vraiment le clan du cafard, donc ils se révoltent. Et eux, en effet, ils ont ce côté un peu mal éduqué, sale, qui se balade à moitié à poil avec des haches et des marteaux en pierre. Ouais, donc en gros, mon personnage, Torik, oui, il non, voit mais ça en fait, pour, tu fais bien de me dire, lui, oui, il, ça paraît ici, presque c'est trop quand même, propre. C'est bizarre que ça, elle c'est pas leur genre d'utiliser des seringues ni des lames. Voilà. Parce que j'ai pas osé poser la question, mais je la pensais. Non, mais tu fais bien. Et en fait, quand j'entends après, bon, après, je suis pas censé l'entendre, mais bon, voilà. D'accord. Ce serait bien que tu n'entendes jamais, parce qu'en vrai, je vais jamais t'en parler. Je vais partir dans un autre monde et. je sais pas si mon perso va se réveiller demain matin. Ouais, ok. Bon, bah, c'est bon. Mokosh est revenu. C'est bon. Oui, je suis là. Voilà. Et du coup, ce que j'allais dire, Mokosh, juste avant que tu prennes la parole, ce que je sais que tu voulais faire jouer tes sens, c'est que tu sais également que ce bâtiment, donc qui sert un petit peu d'ambassade, fait également office d'aire de repos pour les anabaptistes. Donc, tu as un étage avec. Énormément de lits qui permettent justement bah, de se poser pour une nuit pour tout anabaptiste en tout cas et ce gratuitement. Et tu entends d'ailleurs très nettement les gens ronfler au loin. Ok. Donc, je vais utiliser mes super sens que j'ai gagné récemment. Que j'ai gagné récemment. Déjà pour tout simplement. Même si tu sens que ta balade au frais a légèrement atténué cet effet. C'est de la merde, ça, quand même. Mais, tu respectes. Bon, je vais juste m'en servir déjà pour avoir une connaissance d'un peu ce qui se passe à l'intérieur, sans avoir à fouiller. Et aussi pour essayer de voir si, parmi les gars qui sont encore réveillés, voir lesquels ont l'air les plus déterminés, les plus aventureux, ou ce genre de bordel. Ok, très bien. Ce que je peux embrigader facilement, quoi. Alors, déjà, pour commencer, en effet, t'entends... notamment en grande majorité des bruits de ronflement à l'étage. T'entends également au niveau de ta droite, alors pour préciser le bâtiment, c'est une espèce de grand bâtiment en bois et en fer surtout, avec des portes un peu partout et un escalier qui mène vers l'étage. Plus un accueil où tu vois d'ailleurs un réceptionniste qui doit être une nouvelle recrue qu'ils ont placée là parce que personne n'a envie de faire le guet toute la nuit. Donc, au niveau de ta droite, t'entends ce qui pourrait être un cuisinier en train de nettoyer la vaisselle, qui est en train de faire la plonge. À l'étage, donc, plus ou moins des ronflements, et à gauche, ce qui pourrait être des anabaptistes en train de peut-être de jouer aux cartes ou de faire des paris tardifs dans la nuit. Parce que t'entends des rires et puis t'entends... des bruits de piécettes qui s'entrechoquent. Ok. D'accord. Et ça a l'air d'être ceux qui sont les plus réveillés, du coup, j'imagine. En effet. Bon, bah, je vais me diriger vers là-bas. Très bien. Et je vais aller m'installer à leur table. Ok. Tu ouvres la porte et... comme tu l'avais prédit, et tu vois plusieurs anabaptistes assis autour d'une table en train de jouer. Parmi eux se trouve également un néolibien. Et tu vois que sur cette table se trouve un jeu de cartes et plusieurs, en tout cas même des tas et des tas de dinars qui sont posés ici et là. Il y a quelques bouteilles et quelques verres disposés. Et même un peu de brûlure. Alors tu les vois, ils sont là avec leurs cartes, en train de rire et puis de parier de l'argent sans vraiment se rendre compte de ce qu'ils sont en train vraiment de jouer. Tu remarques d'ailleurs que le néolibien est en train d'empocher le gros lot. D'accord. Et qu'il a l'air le plus sobre des trois, puisqu'ils sont trois. Ouais, ça m'étonne pas. C'est pas le néolibien qu'on connaît, nous, non ? Non, pas du tout. Ouais. Non, celui-là a l'air d'un simple marchand qui doit être là pour s'amuser un coup. Ok. Et en profiter pour empocher un peu d'argent. Il a pas l'air spécialement riche. Enfin, dans le sens où c'est un néolibien, il est forcément riche, mais... Bon, ça... Ça a l'air d'être... Il a pas spécialement l'air important. Ouais, il se balade pas avec son or sur lui. Ouais, voilà, enfin... Si, dans le sens où tous les néolibiens font ça, mais pas plus que le néolibien moyen. Au contraire, il est même peut-être là en train d'essayer de se renflouer un peu après avoir envoyé tout son fric dans un mauvais coup. Ok. Bon, bah, je vais m'installer en faisant salutations. Vous me faites une place ? Salut. Bien sûr, bien sûr. Assieds-toi. Bah non, je m'installe. J'imagine que je commence à essayer de jouer à leur jeu, là. Qu'est-ce qu'ils font ? C'est des jeux de cartes classiques. C'est ça, tu vois, c'est une espèce un petit peu, on va dire... En gros, c'est une variante du poker. Ok, super. Tu connais ? Absolument pas. C'est simple. Tu connais l'ordre des cartes ? Mm-hmm. Ok, bah voilà. Donc, on distribue les cartes et le but, c'est de faire des combinaisons. Et plus ta combinaison est forte, plus t'as de chances de gagner. Alors, à chaque tour, on parie à tour de rôle de l'argent. Et enfin, tu vois, comme ça, il t'explique un petit peu les règles du jeu. Et oui, en effet, globalement, c'est une espèce de variante de notre poker. Ok. Avec des cartes au centre de la table et puis des mains. Du coup, je vais essayer de jouer un peu avec vous. Je vais essayer de jouer avec eux. Là, c'est OMJ que je parle. C'est pas... Bien sûr. Je vais essayer de jouer un peu avec eux et d'essayer de voir de quoi ils discutent, dans quel état d'esprit ils sont déjà pour commencer. Très bien. Pour décrire, déjà, clairement, tu sais que les deux autres sont des ergastiques, tout comme toi. Okay. Là-dessus, il n'y a pas photo. L'un est un grand blond et l'autre, au contraire, est plutôt un petit brun barbu. Avec, chose assez rare, les yeux verrons. Tu vois l'autre, donc le grand blond qui est juste à côté de toi, qui distribue les cartes. Ensuite, il te propose de parier quelques lettres de change, même si pour la partie, ces dernières sont converties en dinars. Parce que c'est beaucoup plus amusant de manipuler des piécettes que des simples feuilles de papier. Ok. Tu vois que les pots varient entre 10 et 20 lettres de change. Bon, bah je vais en mettre 30. Très bien. Ils te suivent tous. Le blond donc distribue les cartes. D'ailleurs, lorsqu'il s'approche de toi pour te tendre les siennes, tu sens son haleine absolument repoussante qui t'envahit. Magnifique. Tu veux boire un coup ? Ou alors, et à ce moment-là, il pointe avec sa tête les quelques... Enfin, la brûlure entreposée sur la table. Ouais, je vais prendre un peu de ça. N'hésite pas, serre-toi. Ah bah, je me sers, du coup. Ton point est la brûlure et tu commences à jouer. Alors... J'aimerais savoir de quelle manière est-ce que tu souhaites le jouer. Tu peux la jouer un petit peu agressive. Donc ce qui va notamment avoir pour effet de la faire paniquer. J'entends que j'imagine que tu vas jouer quelques manches et discuter pendant ce temps-là. Ouais. Donc ça serait plutôt un jet de domination. Dans l'objectif de leur faire croire que ta main en tout cas est meilleure que la leur et dans tous les cas de la jouer agressive. Tu peux également plutôt jouer la ruse si jamais tu veux bluffer. Ce qui n'est pas exactement la même chose, donc simplement, voilà, au contraire, parfois te faire plus faible que ce que tu n'es vraiment pour les attirer dans des pièges. Et tu peux même, si tu le souhaites, essayer de tricher pour augmenter considérablement tes chances de gagner avec un jet de furtivité. Moi, je pense que je vais la jouer agressive, hein. Je suis pas sûr que mon coach sache jouer autrement. Très bien. Donc ça va aller comme ça. Il y a des jets à faire pour ça ? Du coup, en effet, ça va être un jet de domination, donc psyché-domination. Psyché-domination, ok. Bon, deux réussites, dont un déclencheur. Très bien. Mon premier a deux réussites. Oula, mon deuxième a cinq réussites, dont un déclencheur. Et enfin, le blond, il a deux réussites. Alors putain, ouais. Très RP comme résultat, puisque très largement, le néolibien l'emporte. Et tu te vois perdre tes 30 lettres de change. Mais bon, au moins... Il trouve ça amusant et tu vois le chemin que vous discutez un petit peu tout au long. Tu comprends assez rapidement que les mecs sont là et qu'ils s'emmerdent, alors ils passent le temps comme ils peuvent. En jouant aux cartes et en buvant jusqu'à pas d'heure. Et qu'ils espèrent gagner suffisamment pour pouvoir rester là un soir de plus. Mmh. Et que quand ils auront plus d'argent, alors ils devront retrouver du boulot. D'accord, bah, j'en profite tout simplement pour leur proposer quelque chose. Dites-moi les gars, ça vous tente pas justement un petit boulot que j'ai pour vous? Quelque chose d'ailleurs qui serait bien bénéfique à notre clan. Vas-y, explique. Notre clan, nous, pas monsieur le... Il n'y a pas de souci. Il y a... Lui, il est simplement en train de compter l'argent qu'il a amassé pour être sûr que vous lui faites pas l'envers. Ouais. Il y a plus au nord une espèce d'organisation qui est en train de se monter, qui représente une certaine menace, simplement parce que elle cherche à corrompre même les membres de notre culte. En clair, ils cherchent clairement à zapper toute notre base. Sérieux? Oui. Clairement. Et on n'est pas les seuls touchés, mais c'est pas très intéressant. Ouais, on en fait partie. On s'en fout des autres. Putain. Et je serais bien d'avis qu'on aille s'occuper d'eux avant qu'ils deviennent une réelle menace. C'est vrai que ce serait un bon coup pour se faire voir par les patrons. Et puis. Bon, je m'entends, les gars. On est entre nous. Hein. Mais bon, ça, c'est typique des mecs de cathédrale, tu vois. Forcément, devant les clans, ils font leurs shows, ils envoient des soldats, ils envoient des armées. Alors, j'imagine bien que ça les emmerde de perdre des troupes, mais... Je sais pas si vous voyez tout ce qui se trame derrière, c'est que... politique et manigance. Mais les vrais problèmes comme ça, ils s'en foutent. Tant que c'est pas médiatisé. Tant que les chroniqueurs, ils en parlent pas. Personne fera rien. Exactement. Et du coup, ça nous retombe dessus. C'est à nous de nous en occuper. Après, je dois avouer que je suis moyen chaud pour aller dans le nord. C'est payé combien? On a accès à une certaine quantité d'argent. Combien? Quel serait votre prix? Après tout, on est entre amis. Bien sûr. Alors, de base, je dirais, pour le déplacement, 50 lettres de change la journée. Mmh. Maintenant, si on doit risquer notre vie... forcément, on exige une petite prime supplémentaire. Et puis, il faut penser aussi à l'entretien des armes. Et à la location des chevaux. Alors, ouais. disons 50 lettres de change la journée, plus 500 au final. Et j'ai un plan qui pourrait être intéressant. Il y a des jeunes recrues qu'il faut à qui il manque une première expérience sur le tas. Alors eux, il n'y a pas vraiment besoin de les payer, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, je vois. Enfin, on pourra payer les survivants à la fin, si on veut se faire bien voir. Mais bon, les gars, on est tous passés par là. C'est à notre tour de profiter un peu du système, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, je vois. Donc tu me dis 500 au total? Bah ouais, faut bien qu'on mange. Tu sais, on essaie d'économiser, mais bon, c'est pas facile tous les jours. Est-ce que t'as pris en compte dans ton calcul la renommée qu'on va avoir après? Les facilités que vous allez avoir? C'est vrai que c'est... C'est sûr qu'après cette histoire, vous aurez plus besoin de passer tout votre argent à des néo-libyens pour passer quelques jours de plus à Justicienne. Selon moi, tu vois, t'entends le néo-libyen se racler la gorge. Sans doute qu'eux, d'ailleurs, l'ont pas entendu. Mais toi, très clairement, c'était apparent. Et je vais te demander de me faire un jet de charisme commandement. Ou négociation. Ouais, non, les négociations, c'est pas vrai. Moi, je suis dans le commandement, moi. Quatre réussites, dont deux déclencheurs. Très bien. J'imagine qu'on peut baisser le prix à 250 lettres de change. En plus des 50. Mais j'espère bien que c'est pas un coup fouet. Hein. Ouais, y a aucun coup fouet. C'est toi le, on va dire le, la patronne. Oui, c'est moi. C'est pas un ordre venu de cathédrale qu'on fait passer pour un. Non, clairement, ça vient totalement ouais. de moi. C'est vrai que si on prend une initiative, c'est plutôt pas mal. Très bien. Personnellement, ça me va sur ce prix-là. Eh bien, parfait. Très bien, on est d'accord. Ce que je vous propose, c'est que pour l'instant, vous restez là. Je viendrai vous chercher quand on commencera à partir. Vous pouvez vous préparer. Ok, super. Je vais aller chercher les petits dès demain. On peut attendre demain matin ou c'est vraiment... On peut attendre. Parfait. Mais prends pas trop tout ton temps quand même. Ok, très bien. Allez, bon ben... Bonne soirée à ceux qui seront pas fauchés. Et je m'en vais. Très bien. Sur ce, tu t'en vas. Au fait, chef. Mm-hmm. C'est quoi votre nom? Mokosh. Ok, très bien. On est bien. Bonne soirée, Mokosh. Ouais, bonne soirée. On revient plus tard. Et je m'en vais. Et tu t'en vas. Pendant ce temps-là, Abby, qu'est-ce que tu as fait? Je suis parti me coucher. Ok, très bien. Où ça exactement? Bah, on est à l'épave, j'ai demandé un lit et je suis allé au lit. Ok. Tu commences à t'endormir. Et puis t'es réveillé, tu sais pas combien de temps plus tard, par quelqu'un. Tu l'as jamais vu. Abby, cœur d'obsidienne, c'est ça? Ouais. Chouette tenue. Y a Axel qui vous demande. Ouais. Elle est où? Elle est à l'extérieur de l'épave. Juste en face, en fait. Ok. Je crois que c'est important. Tu te lèves, tu prends tes affaires, j'imagine. Oui, mais j'attends qu'il parte. Il reste pas comme ça dans ma chambre. Oui, il s'en va. Et du coup, oui, je vais y aller. Ok. Tu le rejoins au niveau du pont. Tu vois, c'est un petit gars avec un teint très pâle. Et puis des cheveux noirs qui lui tombent au niveau des yeux. Ok, suivez-moi. Elle est juste là en face. Alors, vous passez l'entrée de l'épave. Et puis, vous vous dirigez vers la rue d'en face. Là, t'aperçois quelques apocalyptiques qui sont adossés à un mur. C'est vous, Abby, Cœur d'Obsidienne ? Ouais. Tu vois ces gars, tu les as jamais vus. Ok, ok. Et c'est à ce moment-là que t'entends derrière toi quelques bruits de pas. Et tu comprends que des gens ont dû sortir de la ruelle juste derrière pour bloquer le passage. Fais-moi un jet de perception. Perception. Instinct, perception. Ah, c'est dans l'instinct, merci beaucoup. Pas de soucis. Avec une difficulté de 3. Bah justement, j'ai fait 3 réussites, dont un déclencheur. Très bien. Tu remarques assez facilement que tous sont armés. Et tu ne vois absolument pas la présence de Axel dans les parages. Phoenix, sens... c'est ça ? Pardon ? Phoenix, c'est ça ? T'as tout compris, ma belle. Et tu le vois qui sort une espèce de machette de sa, de son manteau. Écoute, on a besoin de toi vivante, alors tu peux te laisser faire. Ou alors on emploie la manière forte. Bah, je sors ma lame et je vous attends. Très bien. Fais-moi un jet d'initiative. Initiative. Là, c'est le moment où j'ai tout oublié, parce que ça fait trop longtemps qu'on n'a pas joué. Il n'y a aucun souci. Alors, initiative, c'est dans Psyché. Attends. Non, je te dis de la merde en plus, je crois. Moi, je suis content parce que c'est oui, si, c'est ça, c'est bien ça. C'est bien Psyché, réactivité. Donc, ah, ça, c'est bien. 1, 2. Bon, sachant que tu peux dépenser jusqu'à 3 points d'ego pour augmenter le nombre de dés que tu peux jeter. Alors, il me reste... Alors attends, je regarde où j'en suis niveau ego. Et pour décrire aussi globalement la scène, tu te trouves actuellement dans une rue, plongée dans le noir, avec quand même quelques ruelles à droite à gauche, mais qui ont l'air d'être bloquées par des hommes. En tout, ils sont 5, et l'un d'entre eux, celui qui t'a amené, n'a pas l'air de faire partie de leur clan. Tu vois, ça peut très bien être un mec qui a juste été payé pour t'amener ici, parce qu'il a pas l'air de vouloir prendre part au combat. Il se met légèrement en retrait quand tu commences à chercher la provocation. En tout cas, j'utilise mes 3 points d'ego. Très bien. Si seulement, Thoric, si seulement. Et moi, non, je vais faire l'argent. C'était plus dans mes plans. Je jette ça en plusieurs fois parce que je commence à avoir trop de dés. Quand je jette tout, j'ai l'impression que les dés ils roulent mal. Donc je préviens, c'est pour ça qu'il y a plein de. C'est pas je relance les dés qui me plaît pas. Y'a pas de soucis. Moi aussi, c'est vrai que je me retrouve excité alors qu'au final j'en jette très souvent en plus. Waouh, putain. C'est utile les dés d'ego. Les énergies de leur côté ne dépenseront pas de points d'ego durant ce combat. Plus souvent en supériorité, donc je peux comprendre. C'est ça, pas tant que le combat alors est fortement favorable. Alors, ouh. Oui, en effet. Ouais, les Lego, j'aime bien ça. Ouh, le premier fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 réussites, dont un déclencheur. Ah, mais je joue deux fois moi. Ouais. Je me note tout ça sur une feuille sinon je vais oublier. Ah, peut-être que tu veux que je note, attends, si tu peux dans le chat. Oui. Enfin, genre, ça dérange pas. Hein. Oui, non, y'a pas de soucis. Juste que là, je me dis que ça serait quand même cool de s'en faire en IRL parce que noter sur une feuille, c'est beaucoup plus représentatif. C'est vrai. Mais y a un kit, c'est un petit hors-sujet pour que tu rentres prêt par l'équipe. Il existe un kit, notamment chez Miléchère, mais il y en a d'autres qui nous proposent. Et c'est en fait des petits tableaux comme ça d'initiative. Et c'est des étiquettes que tu peux coller, retirer, etc. Et tu peux écrire des noms au marqueur et ça s'efface. Le deuxième, je profite, ne fait que deux réussites. Il a fait également 2-1. Mais ce n'est pas un échec. Le troisième fait 3 réussites, donc un déclencheur. Et enfin, le dernier. Le dernier me fait 2 réussites, dont 2 déclencheurs. Il jouera 2 fois. Je vais également rapidement te le décrire. Ce sont tous des éperviers. Donc pour rappel, ce sont les combattants des apocalyptiques. Ouais. L'un d'entre eux, donc je le dis, se bat. Qui semble plus ou moins être le chef du groupe. En tout cas le dominant actuellement. Il se bat avec une machette. L'un d'entre eux se bat. Excuse-moi, je l'ai pas compris. Non, non, ils sont du coup que 4 à se battre, c'est ça? Exactement. Le 5ème, pour l'instant, ne prend pas part au combat. Tu verras à l'avenir ce qui se passe. Voilà. Tu as fait combien d'ailleurs comme résultat sur ton jeu de perception? Je sais pas si tu t'en rappelles. Oh, c'est pas 3 réussites, un déclencheur. Si oui, je c'est ça, ça, okay. C'est ça, ouais. Oui, je t'avais demandé d'ailleurs une réussite de 3 et tu as fait pile poil 3. Mm-hmm. Non, on est chaud. Ok, très bien. Les souvenirs. Eh bien, nous pouvons commencer. Ouais. Tu sens un instant, cette fois-ci ce n'est pas dans le jeu, enfin cette fois c'est dans le jeu également, vraiment un temps de pause. C'est ce moment où tout le monde, personne ne bouge, et chacun empoigne délicatement pardon, ses armes. Laquelle choisis-tu de ton côté? Oui, c'est vrai que j'en ai plusieurs. Y'a aucun problème. Tu vois, chacun se regarde un peu les yeux dans les yeux. Il y en a deux devant toi, deux derrière. Ce pour moi, à la base, c'était stylé, mais c'est vrai que j'ai un fusil de chasse avec moi. Je pense que je peux partir sur le stylet, et puis qu'au pire, je sortirai le fusil. De toute façon, je suis... D'ailleurs, pour rappel, avec ta tenue donc qui est assez sombre et cette. Je sais pas si je l'avais décrit, mais tu as une espèce de. Enfin, pas de cape, mais presque. Tu peux largement supposer qu'il ne sache pas, qu'il ne soit pas encore en tout cas que tu possèdes un fusil de chasse avec toi. Malgré la taille de Nicolas. Très pratique ça. Je sais plus si je l'avais précisé, c'est pour ça. Le manteau de Blade. C'est ça. Non mais je suis chaud. Ouais, chaud. D'un seul coup, tu vois les deux mecs juste devant toi qui se précipitent sur toi. Tu avais d'ailleurs inhalé quelques bourgeons également. Pas énormément, donc non, je... Non, de souvenir, j'en ai avec aucun. Très bien, d'accord. Tu entends tout de même quelques bruits de pas aussi dans ton dos. Tu comprends aisément que les deux hommes qui étaient derrière se précipitent sur toi à leur tour. En tout cas, ah non, tu ne seras pas première à jouer puisque avant, exactement, l'homme à la dague, donc qui fait partie de l'un des deux avec le chef, on va dire, en face, se précipite sur toi et t'assène un premier coup de couteau. Est-ce que tu choisis de défendre activement ou pas? J'ai deux actions. Oui, tu as deux actions. Une dague? Non, c'est bon, je garde mes actions pour plus tard. Très bien. Pour l'instant, ta défense passive est donc de 2, puisque tu es debout et active. Je vais de mon côté jeter 6 dés. et je fais 4 réussites dont 2 déclencheurs. Il se précipite sur toi et avant que le temps en chemin, avant que tu aies le temps de réagir, il te plante sa lame au niveau du cœur. Enfin au niveau du cœur, du flambe. Il te décapite. Qu'est-ce qu'il fait? Nous ne souhaitons pas mince. Nous devons t'obtenir vivante. Ou nous allons planter nos lames dans le cœur. Et alors excuse-moi, je vais. Donc j'augmente les dégâts de 2 et je vais te demander d'ailleurs combien est-ce que tu possèdes de points d'armure. En plus de dur, ça va être... 3. 3, très bien. Je vais juste faire les dégâts de l'arme. Ok. Donc on en est à 5, plus 2, 7, moins 3. Tu perdras donc 4 points de vie. La blessure est donc superficielle pour l'instant. Oui. Mais du coup, c'est à moi. Exactement. Et bah, du coup, vu qu'il est à ma portée, parce que bah. Il est toujours à ta portée, c'est ça. Je vais sortir le. Bah, le stay est déjà sorti, mais le but là, c'est de planter vers la trachée. Ok, très bien. Tu vas pouvoir me jeter ton dé d'attaque. Il ne peut pas défendre actuellement, donc la difficulté est de 2. Et j'ai un bonus de augmente. Tu jettes 3 dés supplémentaires. Pardon? Ouais, c'était ça. C'est ça. On va faire 3D pour 3D. Hein. Ouh, dommage. On avait même temps. Ah, c'est mieux. Donc, du coup, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 et 5 réussites, 1 déclencheur. Ah, malheureusement, tu ne peux pas activer. Seconde attaque. C'est deux déclencheurs, c'est ça ? Le site, l'attaque passe largement. Ouais, deux déclencheurs. Un seul déclencheur, tu peux donc augmenter tes dégâts de 1. Je vais rapidement vers ta fiche pour accélérer cette étape. Il est fait 3 plus ta force, t'es par 3. Tu as 4 en force, tu fais donc 1. 3, 4 plus 1, 5 points de dégâts, et là une armure, ok, très bien. Tu vois, il te plante et instantanément tu le blesses aussi, mais superficiellement de... également. Tu peux encore agir avant que les 3 personnes suivantes se jettent sur toi. Je précise également que sa lame n'est plus en tout cas plantée, vu que c'est une espèce de coup circulaire avec son bras. Même s'il t'a tranché le flanc, la lame n'est pas coincée dedans. Qu'est-ce que tu manges entre une masse et une machette? Je peux imaginer la scène au ralenti dans la ruelle sombre, sombrement éclairée, des personnes qui se ruent vers toi en courant. Les gens qui sont derrière moi, c'est qui? Tu sais pas, c'est juste à... aperçu en tournant je me retourne quelques silhouettes. Frapper, donc je veux savoir qui j'ai en face de moi. Ah non, d'accord, attends pour moi, je crois que tu... Oui, mais oui. Je fais non, oui, pas de soucis. Alors, donc les gens derrière toi sont l'homme à la machette et l'homme au couteau. Ok, donc je fais tout à la masse. Moi, du coup, c'est la machette que je vais attaquer pour... Non, excuse-moi, attends. L'homme à la machette et l'homme à la dague sont devant toi, et l'homme au couteau et l'homme à la masse sont derrière toi. Parce que je suis suffisamment précis, excuse-moi, j'ai confondu le mot machette et masse. Donc du coup, vu que je fais demi-tour, la masse devient devant moi. Exactement, la masse et le couteau deviennent devant toi. Bah du coup, je vais frapper la masse. Ok, très bien. Tu te retournes, et tu attaques la masse. Tu peux jeter tes dés. Cette fois-ci pas le bonus de 3D. Ouais. C'est trop simple. Alors, ça défend passivement également. Donc il faut donc faire 2. Ah, bah c'est dommage parce que j'ai fait 3 dont 2 déclencheurs. C'est vraiment minimal comme... Parfait. Cette fois-ci donc ton attaque augmente de 1. Donc plutôt que de faire... Et comme j'ai 2 déclencheurs, je rattaque normalement. C'est ça, tu fais 6, mais en plus tu réattaques. Ça, ça je m'occupe de noter leur point de vie. Et j'ai un malus, c'est ça, de 2 dés? Exactement. Maintenant, tu jetteras 2 dés en moins. Il faut toujours faire 2 dés pour le toucher. Toi, tu vois, tu te retournes et en un coup circulaire, ta lame le balaye et finit dans au niveau de sa joue. Bon, bah, Abby va pas faire mon coup parce que j'ai fait du coup un échec critique parce que j'ai fait 2-1 et un 5. Cool, mais là, heureusement pour toi, ça n'a pas d'incidence. Enfin, pas d'incidence directe, simplement que ton deuxième coup. Et tu sais quoi, je vais utiliser son action pour tenter de donner un grand coup avec sa masse au niveau de ta main. Et si j'ai réussi, tu seras désarmé. Sinon, ça annulera ton échec critique. Dans tous les cas, fois, lui aussi. Ça va utiliser son action. Mais il joue deux fois, il y a deux DC. Pardon ? Il y a deux déclencheurs, la masse, qui jouera deux fois. Ça annulera en tout cas une de ses actions. Ouais. D'ailleurs, si tu le souhaites, tu peux jeter 6 dés pour son attaque. Ah, bon, bah vas-y. Je te laisse décider de ta propre mort. Bah, ils veulent pas me tuer, normalement. Déjà, là, je dois 2-6. 3 réussites, dont 2 déclencheurs. Ok, en effet, avec, suite à un violent coup sur ta main... Attends, 4 réussites, parce qu'il y avait un 4, désolé. Ok. Tu te rajoutes. Obligé de lâcher ton arme au sol. Oui, bon d'accord. Je sais. Je vais également prendre une toute petite pause sur un point de rage qui va désormais rentrer en compte. Je vais désarmer pour mourir à la première attaque. Alors, ce n'est pas exactement l'attitude, mais sur ta tenue qui, de souvenir, possède une faculté. On avait dû la noter sur la feuille, je suis en train de regarder. Ok, voilà, de camouflage, mais en effet, dans l'âme, on s'en porte. Très bien. Je veux juste vérifier quelque chose. Vous voyez plus. Ah, nous on prend, en effet, si tu prends la fuite, ça pourrait être le cas. Ça pourrait donner un bonus significatif, par exemple, si tu venais à te cacher dans une ruelle. Et ouais, mais j'ai pas cet objectif. Dans tous les cas, l'homme à la masse attaque une seconde fois. Tu es obligé de défendre. Est-ce que le pervier ne devait pas jouer avant sur le couteau, il y a la machette, ouais, parce que. Pas jouer, du coup. Si, mais putain, mais heureusement que t'es là pour me. pour m'aider avec les règles. Oui, oui, en effet, l'épervier au couteau a une réussite supplémentaire, donc c'est celui qui joue juste ensuite. Ouais, et après, c'est bon. Les gars, il t'assène également un coup. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Je viens de jeter 6 dés. J'ai fait 4 réussites, dont un déclencheur. Ça passe à nouveau l'armure. Tu perds 4 points de vie moins tes 3 points, ce qui te fait une blessure supplémentaire. En vrai, ça va, clairement. Ça, hein. Oui, clairement, tu sens que t'es beaucoup plus à l'aise, même si malheureusement tu saignes, mais beaucoup plus à l'aise que lorsque tu étais habillé d'un simple manteau. Clairement, ouais. Non, parce que là, je serais déjà en trauma. Oui, c'est exactement. Ces coups-là, t'aurais clairement mis au sol. Là, tu sens au niveau de ta tenue qu'il y a une certaine résistance. Notamment le couteau qui a quasiment complètement été encaissé. Et du coup, attends, si je me trompe pas, là je suis du coup à 5, c'est ça, ou 4 dégâts en tout? Là tu es à 5 du coup. Ok, 5, c'est ça. Et du coup, dans cette scène de combat que je continue de te laisser t'imaginer au ralenti, même si le coup de couteau est extrêmement superficiel, tu noteras quelques perles de sang couler au moment où le coup se termine. Juste avant que l'homme à la masse ne dirige une dernière attaque au niveau de ton visage. J'ai fait 2 réussites. Oh, alors j'ai fait 2 réussites dont un déclencheur, mais j'ai fait 3-1. Alors je te propose qu'on fasse un petit peu le même jeu qui s'est passé juste avant. Si tu me réussis un jet de psyché réactivité avec une difficulté de 3, tu le désarmes. Et ben, oh putain, c'est vrai que j'ai beaucoup de psyché, putain. 1, 4, 11, 5 dés. 5 dés, difficulté 3, c'est possible. 1, 2, 3, c'est bon. Ok. et donne un coup. À ton tour, tu vois, tu le désarmes, tu lui donnes un... Enfin, tu lui attrapes le bras, tu plantes tes ongles et tu arrives à le faire lâcher. Dans la cohue, mine de rien, un 4 sur une seule personne, ils sont un peu à l'étroit, il a d'autres choix que de lâcher son... qui tombe au sol également. Ok. Tu reçois ensuite une espèce de coup de coude au niveau du dos qui te propulse sur le côté. Tu vois, ça te pousse contre un mur. Il faut moins d'une seconde pour reprendre un peu, on va dire, tes esprits. Et du coup, te retrouver dos au mur avec les quatre silhouettes à moins d'1 mètre de toi qui s'apprêtent à attaquer à nouveau. Souhaites-tu continuer ce combat ? Tu es désarmé, mais deux armes traînent actuellement au sol. Oui, de toute façon, ils sont face à moi, donc faut se battre. Voilà. À ta gauche, tu vois quand même, je le précise, même si j'ai compris que ton intention était de combattre, mais histoire qu'on puisse visualiser un petit peu mieux cette scène, à ta gauche, tu visualises, enfin, tu vois le début d'une ruelle qui doit être à seulement 5 mètres. Ça peut toujours servir. Ouais. Tu penses aussi que si jamais t'arrivais à gagner suffisamment de temps, et peut-être si jamais tu appelais à l'aide, même si je ne sais pas si ton ego te le permettra, possiblement qu'une personne de l'épave pourrait intervenir. Même si les gens pour l'instant ne te voient pas depuis le bateau, puisque la ruelle est plongée dans le noir, c'est possible que l'un d'entre eux passe par ici à tout moment en fait. Mais je les attends. De toute façon, là c'est au masseux. J'ai d'initiative donc. Mais on a pas fini tout. Si, tout le monde a joué. Si, ça y est, là, tout le monde a joué. Et d'ailleurs, j'en profitais pour noter leurs blessures. D'accord. L'homme a la dague. Je vais mettre entre parenthèses les dégâts que tu leur as infligés, ce qui permet quand même de. Pour toi, visuellement, du coup, juste savoir. C'est maintenant qu'on peut redépenser de l'ego, c'est ça? Exactement. Bah j'en redépense 3, là je suis à 6. Très bien. Ma limite, mais elle est ma limite. Ta limite, ça je vais te dire ça tout de suite. C'est 10. Bon ça va, c'est ça 10, va, ça va, je peux faire encore un tour comme ça. So, du coup, comme j'ai plus de dés, on va s'amuser. Alors. Si j'ai 1, 2, 3. Plus réaction. Plus. Si je fais. Attends, je suis joli tout ça. Alors, hop, je reviens sur ça que je vais faire. Et donc. Tu as fait donc 4 réussites et 2 déclencheurs. J'en ai rapidement profité pour mettre à jour, tu peux constater sur le chat. Oh putain! Leur ordre d'initiative également. Tu oh, mais c'est, cette efficacité, bravo, je connais. Tu seras donc, oui, c'est pour aller un petit peu plus vite. Tu seras donc la première à jouer et la seule à jouer deux fois ce tour-ci. Okay. Première action, tu remarques que même si ils sont à 4 contre 1, t'es beaucoup plus. Comment dire, à l'affût que ils t'ont sans doute sous-estimé. Je te laisse donc choisir quelle sera ta première action. Choper une arme au sol, le niveau distance où est la l'arme sur 1 mètre de toi, ça ne changera rien au niveau des jets. Ok, donc il n'y a pas de grosse distance à partir de ça. S'il y avait une grosse distance, en effet, tu aurais eu un malus à ton jet d'attaque, mais également un bonus à ta défense passive. Que si jamais tu te déplaces sur une grande distance ou à une grande vitesse, même si est-ce qu'il y a un système de. Oui. Peut-être une question à la con. Un système d'action multiple. C'est-à-dire, par exemple, tu vois, si je veux dire, je veux dans le même tour ramasser et faire une première attaque, genre est-ce qu'il y a un moyen de faire. Alors, en effet, si à partir du moment où ce sont de petites actions, des actions courtes, Bien sûr que tu peux faire ça en une action, tu peux même faire plein de choses en un seul tour finalement. Comme par exemple, je sais pas moi, jeter un objet et puis en profiter pour crier un ordre pendant que tu te défends. Je donne un exemple au hasard comme ça. Bon, du coup, je la lame et en fait, genre, je profite du mouvement de la relever. Tu sais, j'essaie de la choper par la poignée et faire le mouvement de relever pour essayer de planter après la personne qui vient vraiment. Très bien. Tu sautes sur ta rapière. Tu vois, tu tournes même sur toi-même pour esquiver un potentiel coup qui pourrait arriver. Tu attrapes la lame et d'un coup, tu la lèves. En effet, à ta portée se trouvait l'épervier à la masse. Je viens de tirer ça au dé. Qui est donc pour l'instant celui le plus blessé. Tu remarques dans ce combat justement au ralenti dans cette petite ruelle le sang qui coule sur ses vêtements. Le sang y est beaucoup plus abondant que sur les autres. Et je vais donc te demander un nouveau jet d'attaque avec un bonus de 3. Ouais. Je vise le visage de préférence. Très bien. Ah. Fais chier un joueur. Tu vises le visage ? Alors ce que je peux te proposer dans ce cas-là, c'est de diminuer le nombre de dés si tu vises à un endroit précis. Ouais. Jusqu'à 2 dés. Mais si ton G réussit, ils se considéreront comme des déclencheurs automatiques. Et ben je le fais. Parce que déjà, déclencheur automatique, si ça veut dire que si je réussis, j'ai minimum 2, donc je sais que je peux rejouer. Ou alors ils sont pas comptés. Ou alors ils le sont. Non, si, très bien. Ok, donc c'est-à-dire que je sais que je peux rejouer. Et comme en plus j'avais 3 des bonus, ça fait qu'au final j'ai un jet normal plus un des bonus. Très bien. Donc là c'est clairement rentable de viser au premier tour. Et de son côté, oh, il va se défendre quand même activement. Ça va dépenser son action. Oh là là là là là là là là là là. Du coup ça fait en dé 4 réussites, 2 déclencheurs. Donc en tout ça fait 4 réussites, 4 déclencheurs. Ok. J'ai fait 3 réussites en déclencheur. Alors. Il a essayé de pas, pas besoin de calculer là sur le dégât, tu vas faire ton nombre de dégâts plus 4. Sachant que tu réattaques juste après, donc tu vas avoir le droit à une action supplémentaire. Tu lèves ta lame, tu la plantes dans son visage. Entre les deux yeux. Tu sais quand même d'expérience que c'est relativement tendu de planter un crâne. Ça se fait pas comme ça. Effectivement, il faut une sacrée force et une certaine habileté. Tu retires ta lame doucement et il s'écroule sur le sol. Malheureusement pour les autres, avant qu'ils aient le temps de faire quoi que ce soit, t'as le droit à une nouvelle attaque. Qui est comprise ou c'est de ma deuxième action ? Comprise. Ok, donc avec moins de dés. Oui, avec moins de dés. Donc ça me fait. Alors du coup, t'as pas le droit d'attaquer 2 plus 3, ça fait 5, ça fait 3 dés. Allez, ça fait 2 réussites. Bon, bah, du coup, c'est les pierres de ses faibles. Bon, mais ça peut toujours servir de porter les deuxième. Très bien. Moi, tu m'as dit 2 réussites, tout simplement. Pas de défense. 2 réussites. Malheureusement, sa défense passive est à 2 également. La deuxième attaque ne passe pas. Pas grave. C'est au moins pour le prince. Mais si tu le souhaites, tu peux utiliser ta deuxième action, à moins que tu souhaites la garder pour une défense active. J'attaque. Très bien. Je prends mes 5 dés. Deux. 3 réussites, donc 2 déclencheurs. Un déclencheur, pardon. Est-ce que tu... Qui est-ce que tu attaques également ? La question est importante. Le premier venu ? Bah oui, le plus proche. J'ai pas de... Je le tire au dé. C'est donc l'épervier au couteau. Ok. Après avoir... Donc tu as fait combien ? 3 réussites. Un déclencheur. Très bien, donc après avoir assassiné un homme désarmé, tu blesses. L'un de ceux qui avait. Enfin celui qui avait le couteau. Le couteau qui t'avait à peine blessé au final. Malheureusement pour toi, c'est à leur tour de te foncer dessus. Et tu vas subir 4 attaques consécutives. I'm ready to fight. 3 attaques, parce qu'il y en a un qui est mort. Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai dit. Il me semble. Mais la porte, de toute façon. Alors, la première attaque fait 2 réussites seulement, donc elle ne passe pas. La deuxième fait 4 réussites dont 2 déclencheurs, on la calculera plus tard. 4 réussites, 2 déclencheurs. Oh. Et enfin, la troisième qui est donc celle au couteau. 3 réussites, 1 déclencheur. Chaud. Tu viens d'assassiner leur pote. Et c'est dans cette ruée sombre que tu commences clairement à perdre le dessus. Il y en a un qui te donne un coup. Tu refais quasiment tomber ta lame. Et à ce moment-là, tu te fais planter par le couteau juste derrière. Cette fois-ci, plutôt profondément. Alors, le mec à la machette te donne un coup avec le plat, enfin avec le la poignée de sa lame, en plein dans le visage, qui te fait tomber à la renverse. J'en profite pour calculer rapidement les dégâts exactement que tu vas prendre. Sachant que sur cette attaque... Alors, ton armure va compter double. Combien as-tu de points d'armure ? 3. Très bien, tu vas perdre donc 12 points de vie. Oh, ça fait beaucoup ça, attends. 12. Attends. Je recalcule vite, attends. Oui, donc, sachant qu'on le compte. En effet. 9, 10, 11, 12. Eh ben, je suis morte. Non, parce qu'on le compte une deuxième fois. Ce que je t'ai dit, vu que c'est deux attaques, je les ai. Tu perds 12 points de vie en tout, mais du coup, vu que c'est deux attaques, ton armure compte double. Ah, et ben, du coup, je retire 3. Mais du coup, il me. Si. Plus 3, tu perds 6 points de vie donc. Quoi ? Tu perds 12 suite à ces deux attaques. Oui. Je t'ai dit pour accélérer un petit peu plutôt que faire attaque, chaque attaque séparément, tu les perds séparément. Ah, mais c'était 12 sans la première armure du coup. Oui, oui, 12 en tout. D'accord, oui, moins les deux armures, ça passe à 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, ça va, il me reste 3 points de chrono. Ça va. Et voici la situation actuellement, tu te trouves au sol, tu gis dans ton propre sang, il reste encore 3 ennemis debout derrière toi. Ils sont armés. Que fais-tu ? Dépense 3 points d'ego. Tu dépenses 3 points d'ego ? Très bien. Je suis à 9 sur 10. Eh bien, je te laisse faire un dernier jet d'initiative. Non, c'est je fais également pour... 1, 2, 3, 4. Pour eux. Et... C'est qui déco ? C'est toi ? Oui, c'est moi. Et j'en profite pour m'excuser un petit peu auprès des autres, cette partie aura été très séquencée. Je suis con, je vais aller. Oh. C'est beau ça, pourtant. Oui, on aime bien. Tiens. Ouais, et B. Alors, non, j'invite quand même à le publier, voilà, exactement dans le bon... C'est pas le bon chat. On et refait. Amis... La furie du dragon vient de rentrer. 4 déclencheurs. 4 déclencheurs. Là... C'est-à-dire que tu peux attaquer... 3 fois. 3 fois. Oui. Mon dieu, ça en fait, non, je veux dire, tu as le droit à 3 actions. C'est l'instinct de survie, ça. Voilà, les proches de la mort, c'est ça. Alors... En effet. La rage ultime qui vient en moi. C'est-à-dire que si je joue bien, je peux tous les éliminer. Ah mais il va falloir qu'ils fassent des putains de G pour si les éliminer. Si tu joues extrêmement bien, tu pourrais éventuellement tous les éliminer. C'est vrai. Du coup, j'en profite également juste pour préciser que quelques très rapides secondes séparent ces deux rounds. Pendant laquelle t'entendras d'ailleurs l'un d'entre eux dire: tu crois qu'elle est morte? Et puis leur bruit de pas qui se rapproche. Ils ne sont plus qu'à un mètre de toi. Je resserre ma lame le plus fortement possible et j'essaie de planter ma lame du coup dans la gorge du premier qui passe, dans un mouvement sûrement rempli plus de douleur que de puissance. Et du coup je vais utiliser le malus de 2 de base pour viser. Est-ce que j'ai des malus parce que j'ai des traumas, non? Pardon? J'ai des malus parce que j'ai des traumas, non? Tu as 2 traumas si je ne dis pas de bêtises. Ou un seul peut-être. 3. Je précise. Ah 3. En effet, malheureusement tu devras jeter 3 dés en moins. Sur ton action. Mais qui en soi sont les 3 dés d'ego que tu as dépensé. Oui, mais comme je fais en plus un malus de 2, là on est sur du fou. On est là pour jouer la chance, hein, de toute façon. Et ça marche! Attends. Incroyable. Là, c'est le moment où, genre, t'as le jeu des dés qui vont aller, vas-y. C'était sympa comme action. Je te laisse aller. Pas réussi de déclencheur, je suis plutôt content. C'est-à-dire que même avec un peu de chance, normalement. Excusez-moi, ça a coupé mon câble Ethernet, c'est débranché. Ça arrive. Le petit clip s'est pété. Donc je sais pas si tu as annoncé ton résultat. Oui, 3 réussites de déclencheur. C'est le dieu des qui avait fait. En effet. Pas la peine de préciser qu'ils se défendent passivement. Déjà, ils se surprennent étant donné qu'ils te pensaient, en tout cas pour deux d'entre eux, mortes. Et également parce que ce sont des apocalyptiques et qu'ils se battent jusqu'à la mort. C'est lequel que je vise d'ailleurs? En effet, ils vont discuter, donc tu peux très rapidement, après les informations que tu as pu accumuler, savoir qui est qui, sur le très court dialogue qui est survenu un peu plus tôt. Si tu peux en tout cas attaquer celui que tu le souhaites, malgré ton attaque surprise. Je prends l'épervier à la machette. Très bien. Celui donc qui n'est pas encore blessé. C'est ça. Bah là, je vise la gorge, j'ai fait une jolie réussite, je trouve. Moi, je suis chaud. En effet, 6 dégâts, moins son armure, il prend également une blessure de 4. Et tu pourrais attaquer avec 2 dés en moins. Et donc, 5 dés en moins avec ton malus. Ça veut juste dire que je lance qu'un seul dé. Tu peux jeter un seul dé, si tu veux. Mais, si je fais un 6, ça peut aider. Tu feras un dégât de plus. Si tu fais un 6. Ah, voilà, tu vois, c'est toujours. Genre, tu remues un peu la lame dans la plaie avant. Non, j'ai fait 3. Ce deuxième coup est beaucoup trop blessé pour passer. Non, en effet, tu sens au moment où tu tends ton bras une espèce de douleur et tu vois une gerbe de sang qui s'éclate contre le mur juste à côté. Pour rappel, il y a toujours une ruelle non loin de toi. Oui. Moi d'ailleurs, qu'avec les coups que tu as subis, des bouts de ta tenue ont été complètement découpés. Même le cuir. Enfin le cuir, la matière. Laissant à vif certaines de tes plaies. Et du coup, il y a juste une gerbe de sang. Je ne sais pas s'il est mort ou est-ce que je sais que vu le sang qu'il vient d'avoir. Alors, en fait, je me suis peut-être mal expliqué. Non, lui en tout cas est encore en vie. Le sang venait de toi en fait. C'est au moment où t'as tendu ton bras, t'as ouvert une blessure qui venait de. C'est encore mieux. C'est ça. C'est ton propre sang que tu vois couler. Là, c'est le moment de mettre une musique dramatique, hein, les viewers. Sur les bons vieux violons à Demon's Souls. Hein. Bah écoute, il me reste deux actions. Bah, ce que je vais faire, c'est que je suis à quelques centimètres de sa gorge, parce que j'ai un abord de donner un premier coup. Bah je remets un autre coup. Hein, puis je sais pas. Est-ce que je dois remettre quand même de démalus ou parce que je suis à côté, tu considères que ça passe? Cette fois-ci, non, les deux démalus, tu ne les as pas en plus, mais tu as tout de même les 3 dû à ton traumatisme. Oui. parce que le moindre mouvement te provoque des douleurs dans absolument tous les muscles. En tout cas, tous ceux qui ont été blessés. C'est un échec critique parce que j'ai fait un 2 et un 1, et comme j'avais que 2 dés. Ok. Cette fois-ci, je vais me défendre activement de ton côté vu qu'il n'est plus surpris. Tu tends ta lame, tu vois pareil, tu sens que t'as du mal, il balaye ton cou d'un coup de machette. Ta lame vole à 2 mètres plus loin. Ils sont en train de se ruer sur toi. Oui, tu vois que cette fois-ci, ils lâchent leurs armes et ils y vont au point. Sauf celui à la machette qui reste un peu derrière les autres. Lui, il a sa main au niveau de sa gorge qui commence à saigner. Malheureusement, le coup ne devait pas être assez profond pour le tuer, mais l'a bien endommagé tout de même. Ils ont clairement la commandation de te finir. Il te reste une action. Qu'est-ce que tu fais ? Eh ben, je vais faire. Je vais retenter deux actions en un, si tu me l'accordes. Deux actions, pardon ? Deux actions en une, quoi. À partir du moment où ce sont de petites actions, tu peux le faire. Ce sont simplement les grosses actions principales comme les longs déplacements ou les attaques. Ouais, alors. L'idée du coup c'est de laisser tomber mon fusil parce qu'il est dans le dos là actuellement. Mm-hmm. Et. Attends, parce que. Ça demande une certaine réflexion sur les actions. Tant pis. Je fais ce que j'ai à faire, genre je laisse tomber le fusil et... Alors attends, j'essaie de remettre le truc, il est dans mon dos, je laisse tomber. Et ce que j'essaie de faire, c'est pendant qu'il tombe en fait, appuyer sur la gâchette. Mm-hmm. Et avec un peu de chance en fait, me shootera moi. Pardon ? Un peu de chance te ? Me shootera moi. Et j'ai la voix qui tremble. je ne comprends pas ce mot. Je comprends, me shooter à moi. Oui, c'est-à-dire qu'il va tirer sur moi. Te shooter toi. Très bien. Oui. J'ai mis peut-être un air en trop. Mais c'est le même. Y'a pas de soucis. Alors, même si l'idée est alléchante, c'est pas aussi évident que ça. Je sais, mais pour ma dernière action, je peux utiliser mes dés. En effet. Je peux donc me faire un jet. Je pense que ça va être une combinaison dextérité et d'armes à projectiles. En fait, c'est surtout si je le laisse tomber en fait entièrement, il risque d'être trop loin pour appuyer sur la gâchette. C'est pour ça en laissant tomber. Mais c'est surtout ça. Mais en fait, le truc c'est que normalement, vu que c'est moi qui te fais tomber, je peux le choper très bien par le. Oui, c'est un peu plus facile, mais c'est surtout que vu que les autres se précipitent sur toi et qu'ils sont assez près. Ça oui. Demande quand même une certaine rapidité. Bien sûr. Ça, on est d'accord. C'est le dernier tour qui sert à ça. Très bien. Je peux faire ces deux actions, chacune du coup avec une difficulté de 3, parce que ça me paraît quand même un peu compliqué. Dans tous les cas, les déclencheurs de l'une s'appliqueront sur l'autre. Enfin, les déclencheurs de la première s'appliqueront sur la deuxième. En tant que déclencheur ou en tant que réussite ? En tant que déclencheur, ça me paraît. Parce que le truc, c'est que genre les déclencheurs, ils peuvent permettre de faire des réussites ou pas ? Non, je crois que c'est simplement sur, on va dire, la qualité du succès attendu. Ah bah du coup, c'est tellement con comme quand tu as la difficulté de 2-3, j'ai que 2-2. Tu n'as que 2D ? Bah oui, j'ai toujours mon malus de trauma. Ah oui, non, attends, c'est quoi les jets ? Excuse-moi. Donc c'était donc agilité, dextérité. Ah oui, mais non, j'ai pas 2D. Et agilité, arme à projectile. Non, dans tous les cas, en effet, si ça permet d'arrondir les angles, les déclencheurs pourraient... jouer. Non mais j'ai rien dit, en fait j'ai 4 dés, c'est parce que j'avais pas fait gaffe que... J'étais toujours sur le BD mêlé parce que c'est ce que j'envoie depuis tout à l'heure. Mais c'est mieux. Le temps s'arrête presque complètement autour de toi. Oh bah incroyable. Quatre réussites de déclencheur. Alors, c'est 4 réussites de déclencheur. c'est genre le meilleur jet maintenant pour... Enfin, je sais pas si je devrais être content vu la suite, mais... Eh bien, on verra ça avec le second jet. Arma projectile. Agilité, arma projectile. Je sais pas combien tu as. Est-ce que j'ai le droit... Parce qu'en fait, normalement, j'ai que 3 dés, mais j'ai le malus de 3. Est-ce que j'ai le droit quand même de lancer un dé symbolique pour voir si... On va dire 2 dés symboliques grâce au déclencheur. C'est gentil, merci. Pareil, on avisera. Si c'est un double 6, évidemment que l'action passera. Au moins pour voir si le truc passe dans la... Oh putain, un double 6. c'est le truc infaisable. J'ai trop peur. Putain, j'avoue, ça peut... Genre, t'imagines, là, il fait bon, bah on verra ça dans la prochaine partie. Là. Et pendant 2 semaines, je dors plus parce que je sais pas ce qui va venir d'Abby. Oh, alors... C'est pas 2-6. Je préviens. Mais... J'ai fait un déclencheur et une réussite. Enfin, du coup, de réussite, un déclencheur. Est-ce que... Un déclencheur et une réussite. Non, deux réussites, un déclencheur. Du coup, j'ai fait trois. À la base, j'ai fait du coup 4 réussites, 2 déclencheurs et 2 réussites, un déclencheur. Je suis chanceux, enfin, moitié chanceux, mais. Quoique le premier jeu était quand même vachement. Donc, dis-moi. Et je tremble en vrai. Mais malheureusement, l'occasion est beaucoup trop belle pour être une grosse pute avec vous, parce que simplement, tu vas décrocher ton arme. Les mecs se ruent sur toi. Ils ont lâché leurs armes et s'apprêtent simplement à te tabasser avec leurs poings, en espérant sans doute te maintenir en vie. T'arrives à rattraper ton arme avec ta main. Et tu enclenches la détente. De ton côté, Mokosh, j'imaginais que tu te rendais actuellement en direction de l'épave. Ça m'était du moment à couper la musique épique. Donc tu disais ? J'imaginais du coup toi qu'après avoir rencontré les Anabaptistes, tu t'étais rendu en direction de l'épave. Oui, sûrement. Bah je vais pas aller dormir au hospital. Hein. Et quelques rues seulement avant d'y arriver, parmi le silence qui t'entoure depuis tout à l'heure, tu entendras la détonation d'une arme à feu. Un bruit perçant